Chers collègues, bonsoir. Je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino présent, Cédric Pape présent. Elham Chahir a donné pouvoir à Anjarwal. Édouard de Noël, Émilie Trigot a donné pouvoir à Hissène Onissi, Vassin Dayoussissé a donné pouvoir à Marianne Diop, John Jibiro a donné pouvoir à Jean-Claude Oliva, à Edith Félix, pardon. Hissène Onissi, Yasmina Sadoud, Choki Haddad, Edith Félix, Brahim Akrour, Merlin Georges a donné pouvoir à Cédric Pape, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Ndeye Mariam Diop, Kaline Tribic, Hamid Chahir a donné pouvoir à Jean-Claude Oliva, Mamadou Sylla, Manon Chrétien, Zora Kelly, Mona Bellil, Jules Raguenaud, Sébastien Gricourt m'a donné pouvoir, Mohamed Jenan a donné pouvoir à Angéline Desbordes-Civy, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Laurent Jamais a donné pouvoir à Solène Le Bourris, Angéline Desbordes-Civy, Claire Laurence a donné pouvoir à Sébastien Stalens et Solène Le Bourris. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Kaline Tribic, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé, je vous remercie. Quelques mots rapides au préalable. Ce conseil municipal prévu de longue date, vous le savez, se tient dans un contexte particulier. Nous nous situons en effet entre les deux tours des élections législatives convoquées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale décrétée par le président de la République. La particularité de la situation locale n'aura échappé à personne, me semble. Je souhaite que nous puissions tenir nos débats dans un climat serein, que les débats et parfois les affrontements qui se font jour dans le cadre de la campagne que nous vivons ne viennent pas interférer dans nos échanges. Soyons toutes et tous ce soir mobilisés pour préserver nos travaux. Je vous en remercie. Procès verbal du Conseil municipal du 4 avril. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observations? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour adopter ce procès verbal? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, une délibération classique. Il s'agit d'admission en non-valeur pour un montant de 50 000 euros. Est-ce que vous avez des observations? Pas d'observation. Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, tarif des droits de voirie pour 2024. Donc il s'agit de mettre à jour nos droits de voirie, de les faire évoluer légèrement. Est-ce que cela appelle des observations de votre part? Edith. Non, toujours pas. Oui, voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit là de, il me semble, réaligner les droits de varie avec l'inflation, mais là, c'est un peu plus. Il s'agit de s'aligner sur les villes voisines. Donc, avec j'ai remarqué une hausse de 33% sur Bagnolet, mais sur l'hypercentre, quand même, une hausse de 90% des tarifs. Donc, ce qui me semble, c'est que il y a la question de des terrasses qui est particulièrement importante et pour lesquelles il est important que le traitement de tous les dossiers soit fait. Moi, je me souviens en mai 2023, par exemple, sur les 37 terrasses, je crois, qui avaient été recensées. Il n'y avait pas beaucoup de dossiers qui avaient été déposés. Donc, je pense que l'enjeu, c'est aussi que l'ensemble des commerçants concernés soient traités tous ensemble de la même façon. et de façon égale et équitable. Et puis j'ai juste noté voilà, quelques interrogations sur les saillies, voilà, qui sont pour lesquelles il est demandé à la création un droit. Mais j'imagine que lorsqu'il y a une emprise au sol, ben, il y a aussi encore un droit annuel à percevoir. Sur les terrasses, effectivement, il faut un recensement précis et tous les commerçants sont traités de la même manière, avec une situation particulière pour ceux qui ont des terrasses sans autorisation. Ça a été le cas ces derniers mois, hein, sans revenir sur les polémiques. J'ai eu l'occasion de m'exprimer concernant la belle maison, mais on a eu aussi des demandes récemment du commissariat concernant un certain nombre de terrasses en centre-ville, qui m'a amené à prendre de revenir sur l'autorisation de terrasse du tabac de l'hôtel de ville et sur une restriction concernant le bal perdu, puisque suite à des plaintes de riverains adressées directement au commissariat avec force vidéo à l'appui, le commissariat m'a demandé de restreindre pour une durée déterminée, donc ça devrait se terminer dans les jours prochains. Donc, j'ai fait en sorte de traiter tout le monde de la même manière, tout en respectant le cadre de vie et le bien vivre ensemble de tous les habitants. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Stalens? Non, une remarque. Je conçois qu'on... Bonsoir à tous, pour commencer, excusez-moi. Je conçois qu'on puisse avoir la volonté de s'aligner par le prisme comptable, d'augmenter. C'est vrai que c'est très léger. Enfin, c'est une hausse qui n'est pas extrêmement conséquente, ni pour la ville, ni pour ceux qui vont avoir besoin de la payer. Mais c'est peut-être un très mauvais signal. On est dans une conjoncture un peu compliquée. La météo, vous l'avez vu, on l'a subi depuis des mois tous quand on parle de terrasses. Les terrasses n'ont pas été extrêmement bien exploitées cette année, donc c'est une perte de chiffre d'affaires pour tous ceux qui d'habitude en bénéficient. Je pense qu'on pourrait peut-être décaler peut-être cette augmentation, non pas la remettre en question. L'alignement sur Montreuil ou les Lilas peut être cohérent, bien que la commercialité de Bagnolet n'est pas à la même hauteur. Pas encore, j'espère que ça montera en tout cas. Et ce qui est certain, c'est que voilà, c'est peut-être encore une fois un signal. Voilà, juste peut décaler sur les terrasses. Décaler de quelques mois, attendre peut-être la rentrée prochaine ou janvier, quand je parle de rentrée. C'est pour décaler un peu à la rentrée. Hein ? Oui, on perd des recettes pour deux mois, on laisse passer l'été. Donc le directeur général des services techniques étant d'accord, on va décaler. Le codicile sur les terrasses pour la rentrée et on va laisser en l'état le restant de la délibération. Marc, c'est bon pour vous ? Je vous remercie pour les commerçants, ouais, je vous remercie directeur des services techniques. Mais le reste, on laisse en l'état. C'est bon ? Voilà, donc on considère qu'il s'agit d'un amendement terrasse, qui est pour l'amendement terrasse, qui est contre, qui s'abstient. Qui est pour la délibération avec l'amendement terrasse. C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, modification du règlement intérieur de la commande publique. Cédric Pape. Oui, merci Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, donc pour cette première délibération que je vais présenter, il s'agit d'une modification, la première mineure et la deuxième un peu plus majeur. Sur le côté mineur, il s'agit tout simplement de se mettre en accord avec l'évolution législative et réglementaire relative aux clauses environnementales et plus largement aux objectifs de développement durable. Donc on ne fait que suivre en fait l'évolution de la loi. Et sur la partie majeure, il s'agit de décaler de 25 à 40 000 euros le curseur qui sépare la demande de trois devis à la publication d'un cahier des charges avec analyse des offres. Merci. Est-ce que ça appelle des remarques, Monsieur Vionnet ? Oui, bonsoir à toutes et tous. Pas énormément de remarques, parce que comme il a été dit, c'est une actualisation d'un document qu'on avait déjà examiné antérieurement. Juste un petit regret, je pense que cette actualisation aurait mérité d'intégrer plus fortement les questions de responsabilité sociale et environnementale, parce que j'ai bien lu que, d'ailleurs, en cohérence avec l'évolution du Code des marchés publics, il y a un article 12 qui les mentionne. Pour autant, aujourd'hui, on a des retours d'expérience de collectivités qui ont travaillé de manière plus approfondie sur la question. Je pense par exemple à la ville de Grenoble, qui depuis un certain nombre d'années a travaillé sur cette question et applique par exemple un bilan carbone systématique à ses marchés publics. Et du coup, justement, parce que je sais qu'il y a quelques années, on disait « Ah, c'est compliqué, le code des marchés publics n'est pas fait pour ça », etc. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des collectivités qui ont un peu défriché la question et on a y compris des retours d'expérience juridique, puisque tout ça est passé X fois au contrôle de légalité, voire à des contentieux. Et donc, moi, je pense que cette modification du règlement intérieur aurait dû être l'occasion de franchir une étape supplémentaire sur ces questions-là. Écoutez, déjà, je note que ça va dans le bon sens et c'est plutôt réjouissant qu'on soit unanime là-dessus. Par ailleurs, cette réflexion peut être tout à fait pertinente et je vous propose, dans un second temps, de la mettre en étude de la part des services pour peut-être de nouveau modifier le règlement. Il y a d'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La délibération suivante, c'est la convention constitutive du groupement de commande avec le syndicat intercommunal, table commune pour l'achat de denrées alimentaires. Quelques mots introductifs, puisqu'il ne s'agit pas que d'une simple délibération technique. J'ai eu l'occasion d'en parler par le passé. La question de la restauration municipale a fait l'objet dans cette enceinte de beaucoup de débats. Il faut d'abord, je crois, y voir l'attachement que nous avons toutes et tous à proposer aux jeunes bagnoletais des repas de qualité. C'est une bonne chose que nous y attachions toutes et tous une importance majeure. Et d'ailleurs, la commission des menus, qui travaille sous la présidence de M. De Noël, a un travail régulier là-dessus avec des représentants des parents et les techniciens. Il y a quelques mois, afin de sortir des difficultés d'approvisionnement récurrentes auxquelles nous étions confrontés, nous relancions en effet un marché unique de fourniture de denrées alimentaires. Je le redis ici, il s'agit de la seule fourniture des denrées. Il n'a jamais été question de fourniture de repas cuisinés. L'ADN de notre service de restauration municipale reste le même, une cuisine centrale municipale avec des agents dévoués et impliqués qui ont à cœur de cuisiner les meilleurs repas possibles. En parallèle, nous ouvrions les discussions avec le CIRESCO, devenu depuis table commune, syndicat public pour la restauration collective. Soyons clairs là aussi, aucune remise en cause de notre ADN. Il ne s'agit pas de déléguer à une autre, la confection des repas. Nous souhaitons cependant faire à nouveau évoluer notre service de restauration municipale en adhérant à ce nouveau groupement de commandes créé par table commune. Il s'agit de progressivement, pas à pas, d'intensifier nos collaborations avec cet acteur public, à la force de frappe bien plus importante que celle de notre seule collectivité. En afin, chacun le sait ici, table commune est un acteur public majeur de longue date de la restauration collective. Avec son expertise, l'objectif est de faire rayonner davantage notre service de restauration municipale. Nous voulons proposer un service d'encore meilleure qualité et qui puisse répondre aux aspirations des parents et puisse permettre aux enfants de bien manger, de mieux manger. Voilà, tel est l'objectif de cette adhésion. Il n'y a rien à ajouter. D'autres interventions ? Monsieur Vionnet. Oui, alors c'était surtout une question, parce que sur le fond, effectivement, on a eu l'occasion de débattre à de multiples reprises de cette question. Sur le fond, plutôt que Sodexo, on se rapproche d'un organisme public comme le CIRESCO nous semble positif. Par ailleurs, je pense qu'effectivement, sur ces questions-là, il y a un intérêt de coopération entre différentes communes, donc nous y sommes favorables aussi. Par contre, j'avoue, et là c'est une vraie question, que je ne comprends pas très bien comment ça s'organise avec ce que vous avez fait jusqu'à présent avec Sodexo, puisque effectivement vous avez une fourniture globale de denrées, y compris de choses assez préparées, d'élaboration de menus. Donc du coup, comment ce nouveau recours que, par ailleurs, comme je viens de le dire, on juge qu'il va dans le bon sens, comment il s'articule à ce que vous avez fait il y a quelque temps. Ben, il a vocation à s'y substituer. Et donc, simplement, du coup, progressivement. Du coup, concrètement, ça veut dire que, par exemple, dans les semaines ou les mois qui viennent, comment ça s'organise, quels sont on les a fixé parts... des objectifs de calendrier. Je ne vais, pas les afficher ici, parce que si les objectifs de calendrier ne sont pas tenus, vous me direz qu'ils ne sont pas tenus, et vous auriez raison. Donc, effectivement, l'objectif, c'est que le partenariat avec Table Commune se substitue au partenariat au marché avec, avec Sodexo, dont les clauses nous permettent... De sortir assez facilement. Mais il y a un travail, il y a des évaluations juridiques, financières, qui sont en cours, qui sont menées par l'administration et qui font l'objet d'échanges avec, avec la direction générale de Table Commune, avec la présidence de Table Commune. Monsieur Stalens. Ça signifie que la Cuisine Centrale va reprendre sa place, à savoir la fabrication des repas et la conception et l'élaboration des menus aussi. C'est un fournisseur de denrées, simplement. Et comme Sodexo. Sodexo fournit les denrées. Oui. Mais effectivement, il s'agit d'aller vers un nouveau partenariat. Il y aura plus d'éducation au goût, pris en charge par, par cette société. Et juste une deuxième question, une dernière question. Est-ce que vous parlez de sortir facilement du contrat de la Sodexo? Est-ce que ça a un coût pour nous, financier? Ah, le coût, il est en train d'être évalué, absolument. Le coût, il est en train d'être évalué. On a une fourchette. On a une fourchette. On peut donner une fourchette, non? Ouais. Ouais. Pour l'instant, c'est zéro. Mais il y aura... En fait, aller avec Table Commune pourra, in fine, coûter plus. À ce stade, il y a zéro. Et c'est ça qui est encore en train d'être évalué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on a adopté une délibération où on a mandaté le cabinet Klopfer pour réaliser une analyse financière de tout ça. Klopfer qui travaille sur les questions de, avec, dans d'autres villes avec Table Commune. Donc le travail se poursuit et doit pouvoir sortir rapidement. En fait, on est moins lié que ce qu'on a pu dire par le passé avec Sodexo. Mais voilà, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il n'y ait pas un jour où il n'y ait plus rien dans les assiettes des enfants. Voilà. Mais le travail se poursuit, il est en cours. Très bien. Bah, tenez-nous informés si c'est possible des différentes étapes, des différentes évolutions et des négociations menées aussi avec la Sodexo. Et, non, c'est que c'est un dossier, vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, qui est extrêmement important. Le bien manger, c'est le bien vivre. Donc voilà, c'est essentiel pour nos enfants, mais il n'y a pas que les enfants. Il y a plein de gens qui sont livrés aussi des repas à domicile à Bagnolet, beaucoup de seniors bien évidemment, mais aussi des personnes handicapées ou avec des mobilités réduites. Je pense que beaucoup de gens attendent beaucoup de ce service. Voilà. En fait, il va y avoir une période transitoire où on va acheter aux deux. Je l'ai compris. Voilà. C'est ça, concrètement, ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Édouard de Noël. Oui, quelques éléments de précision. Donc, pour la Cuisine Centrale, en tant que telle, initialement, ça ne change rien. C'est-à-dire, c'est acheter des denrées d'une part et en acheter d'autres à un autre fournisseur. Ce que ça peut changer, c'est la typicité des denrées et les catégories, les gammes, en fait, que vous achetez. Si vous achetez tranché comme ci ou pas tranché comme ça, il faut monter en gamme de matériel dans la cuisine et en élaboration pour les personnes qui travaillent les produits. Ça permet de retravailler aussi, avec un autre fournisseur, la part de bio, le type d'aliments qui sont achetés, la variété. Ça permettra aussi de travailler assez rapidement sur les contenants, puisque, comme vous le savez, il va falloir les faire... Il va falloir les faire évoluer, c'est une obligation réglementaire. Et ça pose des questions de conditionnement, ça pose des questions de transport, ça pose des questions d'évacuation, de canalisation, de type de chauffe, de type de four, etc. Donc c'est beaucoup de changements en même temps. Mais l'idée qu'on avait depuis le début, augmenter la part de bio, augmenter la part de sourcé, avoir une alternative végétarienne, changer de contenant, tout ça suit son cours. Donc, je vous propose de délibérer sur l'adhésion au groupement. Non, c'était juste pour indiquer, avant que vous ne passiez au vote, que vu les précisions que vous avez apportées, nous voterons cette délibération, même si on peut regretter d'être passé par la case Sodexo, puisque je me souviens qu'il y a un certain temps, vous nous expliquiez avec M. Desnoël que c'était absolument formidable d'avoir recours à Sodexo pour le bio, pour tout un tas de choses. Donc, il aurait été mieux qu'on aille directement à l'étape où nous sommes aujourd'hui. Ah, mais en tout cas, nous votons. Pardon. Table commune, à l'époque, n'était pas du tout à ce stade-là de partenariat et de travail, et n'était pas en capacité, à l'époque, de proposer ce type de dispositif aux collectivités. Vous a pas échappé que la ville de Montreuil a adhéré à table commune, que d'autres villes réadhèrent à table commune. Aujourd'hui, ce qui est proposé par table commune n'existait pas il y a 18 mois ou 2 ans. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Donc je vous propose à la fois de délibérer et de me désigner comme membre titulaire et Édouard de Noël comme membre suppléant à la commission d'appel d'offres du groupement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Cédric Pape. Oui, merci Monsieur le maire. On est un peu dans la continuité puisqu'il s'agit de la fourniture de denrées alimentaires et de repas en liaison froide pour le service de restauration, mais cette fois-ci des crèches, notamment sur le lot 1, plutôt pour les crèches Viennot et Lénine, et plutôt pour le lot 2, Girardeau. La commission d'appel d'offres s'est réunie hier soir. Je crois que vous avez peut-être sur table le résultat. Moi-même, je vais le retrouver. Donc, de mémoire, le lot 1 a été déclaré par la commission infructueux puisqu'il n'y a eu aucune réponse, ce qui pousse en fait les services à relancer, en fait, à passer par l'étape d'un marché négocié pour poser des questions aux différents fournisseurs qui pourraient être intéressés et qui n'ont pas répondu. Quelles sont les raisons de cette non-réponse et voir comment on peut s'adapter. Donc, ça repassera en commission d'appel d'offres. Et sur le lot numéro 2, il n'y a eu malheureusement qu'une seule réponse. Et suite à l'analyse de l'offre, à l'unanimité des présents à cette commission, la solution Elior a été retenue. Donc, pour être un peu plus clair, parce que ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle, pour l'instant, on va être en lot numéro 2 uniquement, c'est-à-dire en fait les fournitures de repas froids, puisque nous ne pouvons pas aujourd'hui assurer le lot 1, c'est-à-dire recevoir les denrées et les cuisiner sur place. Donc on espère que ça sera le plus court possible, parce que encore faut-il que des fournisseurs tout simplement répondent aux appels d'offres que nous lançons. Des remarques, des observations ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, convention avec le comité d'activité sociale et culturelle CASC. Donc il s'agit d'approuver la délibération annuelle liant la ville et le CASC, en précisant que la subvention annuelle du CASC sera identique à celle de l'an dernier, à savoir 110 000 euros. Ça s'appelle des observations. Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, mise à jour du tableau des effectifs. Donc il s'agit de créer 2 postes d'adjoint technique et d'adjoint administratif, 1 poste de chargé de la gestion des salles et 1 poste de chargé de mission d'histoire urbaine et valorisation patrimoniale de la ville. Ce sont des postes qui seront pourvus en mobilité interne. Ce que ça appelle des remarques. Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, modification de la délibération du 25 mai 22 créant des emplois permanents et autorisant le recrutement d'agents contractuels en cas d'absence du cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes à la direction de la santé. Grégoire de la Gannerie, tu veux dire un mot ? Non ? Bon, est-ce que ça appelle des remarques, des observations ? Je propose de passer au voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, convention de partenariat attribuant une subvention à la commune de Bagnolet suite à la décision du comité de sélection du fonds en faveur de l'égalité professionnelle relative au projet sensibiliser et former le personnel encadrant et les agents du primo-accueil aux enjeux de prévention et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement. Donc la ville a obtenu des subventions en la matière. Il s'agit de délibérer pour pouvoir percevoir ces subventions. Est-ce que ça appelle des remarques, Aline? Tu veux dire un mot? Oui, je veux bien dire un mot. 82% des salariés femmes sont régulièrement confrontés au sexisme. Une femme sur trois est victime de harcèlement sexuel. On a obtenu une subvention donc, du fonds en faveur de l'égalité professionnelle, du fait notamment de la qualité du dossier produit par la mission. Il s'agit de 10 000 euros qui nous permettent de financer 14 journées de formation pour 170 agents de la ville. Et le titre un peu long mais précis de cette formation, c'est « Sensibiliser et former le personnel encadrant et les agents du primo-accueil aux enjeux de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ». Voilà, et obtenir cette subvention implique de signer une convention avec la préfecture d'Île-de-France, et c'est pour ça, enfin c'est ça ce qu'on vous demande d'approuver. En conclusion, vous pourrez voir, en tout cas une fois encore, que la mairie, en lien avec la mission, continue à impulser une réelle politique publique dynamique et ambitieuse en faveur de l'égalité professionnelle. Ce que ça appelle des observations, Angéline Desbordes-Sy. Oui, évidemment, pour dire tout le bien qu'on pense de ce dispositif, et remercier en particulier Thomas Pradeloup, le chargé de mission égalité, pour cette subvention. Évidemment, la lutte contre les violences sexistes, sexuelles, le harcèlement, c'est un combat qu'on doit mener, qu'on doit continuer à mener, parce que l'égalité des droits est acquise, mais pas l'égalité réelle. Peut-être même, hélas, que dans les prochaines semaines, c'est un combat qui devra être mené de façon encore plus vigoureuse. Donc c'est très bien que la ville de Bagnolet soit extrêmement active sur ces questions-là. Il faut former les agents et les agentes, plus que de... la sensibilisation est tout à fait essentielle dans l'éradication de ce fléau. Et moi, j'avais une question, par contre, parce que je me souviens de mémoire dans le rapport égalité femmes-hommes que vous avez présenté juste avant l'examen du budget. C'était l'axe 5. Il y avait un axe 5 qui était justement la prévention des VSS. Et il me semble que vous avez dû mettre en place un dispositif de... Enfin, il doit y avoir un dispositif de signalement qui doit permettre aux agentes, oui, aux agents d'indiquer éventuellement des actes délictueux en matière de VSS. Est-ce que vous avez un nombre de signalements qui a été fait? En creux, là-dedans, c'est peut-être comment on peut améliorer ce nombre de signalements, parce qu'on sait très bien que dans un certain nombre de collectivités, beaucoup d'agents et beaucoup d'agentes ne vont pas jusqu'à signaler. Alors finalement, il faut reconnaître, c'est l'objet de ces formations, il faut reconnaître ce qui est un propos sexiste, une injure sexiste, et ça, c'est tout l'enjeu de cette formation. Mais ensuite, il faut pouvoir accompagner les agents et les agentes à signaler ce genre d'infraction, et c'est pas toujours évident, donc peut-être qu'il faut mettre en place un système de référent. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est évidemment une très très bonne nouvelle. Alors, j'ai pas le chiffre, donc je sais pas combien de personnes se sont présentées pour l'instant, enfin, ont signalé des violences, mais je vais me renseigner, c'est une question intéressante. Et l'objet de la formation, en tout cas, et à mon avis, en plus de sensibiliser, incitera également les personnes victimes à se signaler. En tout cas, je l'espère, c'est un des buts. Caline, peut-être un mot sur le harcèlement scolaire, sur le travail que tu as engagé. Ah, alors le harcèlement scolaire, vous n'avez pas la note dans le dossier, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour nous aussi. Je pense que ce n'est pas utile de rappeler les chiffres qui sont en hausse constante et les drames qui en découlent. Donc on a décidé de s'emparer sérieusement du sujet par un dispositif. Alors je n'ai pas les notes sous les yeux, mais en gros par un dispositif en trois volets. Il y a la création d'un QR code qui a été complètement créé par Thomas Pradeloup et Malika Miloud. En fait, on le scanne et ça renvoie sur toutes les infos de droit, où est-ce qu'on peut signaler le harcèlement scolaire. Donc on a fait un sticker qui va être collé un peu partout dans la ville, évidemment dans les écoles et à plein d'endroits stratégiques avec ce QR code. Le deuxième volet, c'est, je crois, je suis sûre, une série de sensibilisations directement dans les écoles qui commencerait, si je ne dis pas de bêtises, dès la primaire. Et le troisième volet, c'est là que ça m'échappe un petit peu, mais je crois qu'il s'agit d'un ciné-débat ou d'un spectacle qu'on va proposer aux Bagnoletais. En tout cas, on décide d'être actif, proactif sur le harcèlement scolaire. Merci Caline. D'autres remarques, des observations? Pas de remarques. Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour approuver cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. La délibération suivante concerne la modification du règlement intérieur du conseil municipal avec un amendement de l'exécutif qui est présenté, qui consiste à rappeler et à préciser que les dossiers pour les commissions municipales doivent être adressés 5 jours francs avant la tenue de la réunion notamment. Et cette délibération propose de mettre en place un système de modulation des indemnités des élus en fonction de leur présence et de leurs absences aux instances municipales. Une décision du conseil municipal du conseil constitutionnel est intervenue il y a maintenant 3 semaines, qui permet d'ouvrir ce dispositif qui existait jusqu'ici pour les villes plus grandes que la nôtre, de plus de 40 000 habitants, et qui s'applique également maintenant, possiblement, à nos communes. Donc, je proposais au bureau municipal que l'on puisse soumettre au conseil cette délibération. Voilà. Est-ce que ça appelle des questions, des observations, Madame Desbordes-Silly? Pas de questions, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je crois que ça fait depuis, on est élu depuis quoi? Depuis 4 ans qu'on en parle. Non, c'est bien. Moi, je crois que ça contribue à... Ça devrait être même une exigence. C'est bien, vous y venez. Ça contribue à lutter contre la défiance des électeurs vis-à-vis du personnel politique. Ça participe à la moralisation de la vie publique. C'est très bien et on est très fiers que vous preniez cette décision. Alors, évidemment... Il y a toujours un petit quelque chose, un petit bémol. Moi, je regrette que vous ayez indiqué que l'absence n'était réelle, effective, qu'à partir de 50% de la durée de la réunion. Je pense que si on quitte l'enceinte de cet hémicycle dans... Enfin, je ne sais pas combien de temps on va rester là, mais un bout de temps, mais on est considéré comme absent. Enfin, je pense que dès lors qu'il y a une séance du conseil municipal qui commence à 18h30, c'est toujours trop tôt, et jusqu'à 22h30, on est là de 18h30 à 22h30. Moi, je suis un peu déçue que vous ayez indiqué ce 50%. Les commissions, c'est bien. Moi, j'étais ravie de voir que la dernière commission, il y avait plein de monde, alors que d'habitude, on était 2 ou 3. Non, c'est très bien. Ça participe de la question de l'exemplarité. Alors, on peut ne pas être d'accord sur la question de l'exemplarité, mais en tout cas, c'est aussi un levier qui permet de lutter contre la défiance. Et puis, les indemnités, alors j'en sais rien, j'en ai jamais touché, mais je pense que quand même les indemnités de fonction ne sont pas complètement... je sais plus combien vous percevez, mais disons que c'est pas 3 francs 6 sous. On est dans une collectivité de près de 40 000 habitants, donc c'est des indemnités substantielles. Je pense que les électeurs c'est pas complètement... ridicule d'exiger que leurs représentants siègent au moins, d'autant plus qu'un conseil municipal et une commission par mois, c'est pas grand-chose. Et puisqu'on parle de la fréquence des conseils municipaux, j'ai quand même aussi, je suis un peu gênée par, alors c'est la note un peu, pardonnez-moi, discordante, mais je suis un peu gênée par le fait que vous ayez quand même assez drastiquement diminué la fréquence des conseils municipaux. Alors le législateur vous oblige à en convoquer un tous les 3 mois. Je crois que la dernière fois qu'on s'est réunis, c'était le 4 avril, donc ça fait 3 mois. Néanmoins, là, on examine, 40 ou 42 délibérations. Je ne parle même pas du contexte, vous ne pouviez pas prévoir la dissolution du Parlement et de l'Assemblée nationale, mais disons que c'est quand même pour nous, groupe d'opposition, qui recevons les dossiers le vendredi soir, je parle des dossiers complets, hein, on a 5 jours pour étudier 40 délibérations, donc 700 pages. Alors on peut venir en touriste, on peut alors moi très très très de façon très transparente aujourd'hui j'en ai travaillé sérieusement au moins 1 sur 2 ou 1 sur 3, mais en fait cette enceinte, ce conseil municipal, on n'est pas là pour amuser la galerie, ou c'est pas non plus une chambre d'enregistrement, c'est un espace de délibération collective, un espace de débat contradictoire. Alors on peut souhaiter qu'il soit plus apaisé qu'il n'a été par le passé, et je pense qu'on est tous nombreux à le souhaiter. Néanmoins, il faut qu'il y ait des débats, sinon il n'y a plus de débat public, il n'y a plus de démocratie locale. Donc j'espère que vous remettrez un petit peu plus de conseils municipaux. C'est pas qu'on veuille absolument participer à un conseil municipal tous les mois, peut-être un tous les 2 mois, mais là, parce que si vous supprimez les conseils, ça veut dire qu'on se retrouve avec 40 délibérations. Vous, c'est facile, vous avez des bureaux de la majorité, vous avez des services qui travaillent avec vous, enfin vous maîtrisez, mais si vous voulez qu'on aide aussi, et puis même au service de l'intérêt général, on est aussi là pour apporter un éclairage différent, peut-être, comme l'a fait Sébastien tout à l'heure, proposer des amendements que vous adoptez, que vous acceptez. Si on n'a pas bossé les délibérations, on ne sert à rien. Alors effectivement, on n'est pas indemnisé, mais on est... C'est mieux de... Le rôle qu'on se fait du mandat d'élu n'est pas simplement une présence passive. On a envie de contribuer, mais pour contribuer, il faut qu'on puisse avoir le temps de travailler sérieusement les dossiers. En tout cas, pour revenir au règlement intérieur, c'est très bien. Par contre, l'amendement proposé, c'est juste les deux ajouts en rouge, c'est ça? Bon, pas d'objection particulière, ça nous va. Donc, on votera pour. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Vous noterez que les bureaux municipaux sont également compris dans la liste des instances obligatoires. Jean-Claude Oliva. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bien entendu, les écolos solidaires sont tout à fait en accord avec ce principe de modulation des indemnités en fonction des absences. Bien sûr, ce n'est pas le seul levier de la participation des élus. Leur bonne information, la prise en compte de leur avis sont des éléments importants pour leur participation. Et donc, à partir du moment où le bureau municipal, qui est une instance informelle non obligatoire, est pris en compte dans cette modulation, et les commissions également, il faut que les autres règles, notamment l'information des élus, s'y appliquent. Donc c'est une question d'équilibre. Et ce n'est pas anecdotique, parce que vous savez, la préparation d'un bureau municipal, c'est parfois des centaines de pages, enfin comme au conseil municipal d'ailleurs, qui peuvent nous être données dans des délais extrêmement courts. Donc il faut avoir le temps de les travailler. Et donc c'est pour ça que cet amendement a été proposé, qui est d'envoyer les documents qui sont soumis au bureau municipal et à toutes les commissions 5 jours francs avant la réunion, comme pour le conseil municipal. Concernant le second amendement, bon, d'une part, il faut noter qu'il nous faudra procéder sans doute à la mise à jour et à la publication de la liste des élus participant aux commissions, car il y a eu un certain nombre de changements. Depuis les élections municipales, un certain flou peut subsister dans certains cas pour savoir qui est dans quelle commission. Et donc, dans un souci de transparence et d'équité, nous avons aussi proposé que le tableau de présence de tous les conseillers municipaux et de tous les adjoints soit public, soit consultable en ligne. Voilà, donc ça va dans le souci que les choses soient vraiment transparentes au maximum. Et que les indemnités qui sont perçues, éventuellement qui sont réduites, que tout ça soit vérifiable par les présidentes et les présidents des différents groupes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous semblait important. Alors j'avais aussi une autre observation, disons plus générale, qui se traduit pas par des amendements, mais qui est plutôt une actualité sur le travail des élus. Vous savez que voilà, on perçoit tous très fort effectivement cette situation politique inédite, je dirais inouïe, avec le risque majeur d'arriver du Rassemblement national au pouvoir dans quelques jours. Ça nous amène à faire bloc, au moins chez les gauches et chez les écologistes. Ça, on ressent très fort un besoin d'unité, de respect, de vérité. Voilà, je sens qu'il y a le conseil municipal tel qu'il se déroule ce soir. Traduit aussi un peu ce climat, je m'en réjouis, nous avons toujours été pour notre part très dans le sens de cette unité, du développement de cette unité. Dans cette situation, il est clair que pour nous, tous les désaccords, les éventuels désaccords entre nous, majorité-opposition, mais au sein de la majorité aussi, ne peuvent pas se régler par des sanctions. Voilà. Et c'est vrai que là on a eu un cas qu'on a un peu pris comme ça, peut-être à tort. Hein. Mais vous savez, il y a eu le signalement au TA par le maire de l'absence de certains élus dans les bureaux de vote, notamment des Lamchères. Ce signalement, ça se traduit, si le TA l'acceptait, par une démission d'office de l'élu. Donc heureusement, le TA ne l'a pas accepté. Enfin, voilà, je crois que c'est une pratique qui, surtout dans les circonstances actuelles, doit être abandonnée Et bon, on a des questions, on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres. Il faut que ces questions, elles doivent se régler entre nous par la discussion et pas au tribunal administratif. Effectivement, je pense que là, une remarque, on a demandé effectivement à l'administration d'être en capacité de tenir des conseils municipaux plus régulièrement. On en a tenu beaucoup au cours du premier trimestre et moins depuis le 4 avril. Concernant la tenue des bureaux de vote, je considère que lorsqu'on est adjoint maire indemnisé, la tenue des bureaux de vote fait partie des choses obligatoires et on signale simplement au tribunal administratif qui prend une décision ou pas l'absence ou la présence d'un élu. Un autre élu, en l'occurrence l'autre monsieur Chahir, a été absent. Lorsqu'il m'a signifié qu'il serait présent, j'ai informé tout simplement le tribunal administratif qu'il serait présent. Voilà, même si in fine il ne l'était pas. Je pense que lorsqu'on est élu, on a des obligations, on a des responsabilités et il faut être en capacité de les assumer en toutes circonstances vis-à-vis de la population, vis-à-vis d'un travail collectif, vis-à-vis de l'administration, d'être respectueux vis-à-vis des fonctionnaires avec lesquels on travaille. Je dis bien respectueux vis-à-vis des fonctionnaires avec lesquels on travaille et ça s'applique à toutes et tous, y compris au CSAS, qui n'est pas une institution à part dans cette commune. Caline Tribic. Moi, même si cette décision est certainement un peu dure pour Elham, visiblement, qui avait pris ses billets d'avion, je trouve qu'on ne peut pas applaudir, il y a trois minutes, cette histoire de modulation des indemnités au titre de l'exemplarité, et là, ne pas être d'accord avec ça, en fait. Donc, à titre personnel, ça me désole pour Elham, mais on doit tous être là le 7 juillet. Moi aussi, j'avais envie de partir, j'avais prévu de partir. Voilà, il faut qu'on soit logique sur la façon dont on décide d'être exemplaire. On ne peut pas, il y a trois minutes, se dire que la modification... Et je retiens aussi ce qu'a dit Mme Desbordes-Silly, c'est qu'il est important d'être là du début à la fin du conseil municipal, du début à la fin des commissions, du début à la fin des bureaux municipaux. Absolument. Et je pense qu'il faut qu'on poursuive le travail là-dessus. Parce qu'à un moment donné, je trouve qu'il est un peu trop facile de prendre ses clics et ses claques lorsqu'on en a envie. Termine Caline. Ensuite, je terminerai en disant que c'est un effort pour nous tous. Je veux dire, moi, justement, parfois, je quitte des conseils municipaux avant parce que j'ai mes enfants seuls à la maison qui attendent. Je vais essayer de le faire moins. Mais on essaye tous de jongler. Et donc, voilà, c'est triste cette histoire de LAM qui avait pris ses billets. Mais en fait, on se doit d'être exemplaires et tous de faire des efforts. On fait tout ce qu'on peut, aucun de nous ne pourra être là à tout. Moi, la première, je ne suis pas du tout parfaite, mais soyons logiques. Si on accepte une chose, on accepte l'autre, je pense. Cédric et Mme Desbordes-Silly. Oui, merci, Monsieur le maire. Effectivement, quand on est élu, quand on est maire adjoint, quand on est second maire adjoint, on a des droits et des devoirs. Et cet espace de discussion, comme tu disais, Jean-Claude, tout à l'heure, que tu opposes à la sanction, en fait, il a eu lieu. Il a eu lieu au sein d'un bureau municipal. Alors, peut-être que tu n'étais pas présent à ce bureau municipal, je me souviens plus, sincèrement. Mais il y a eu un bureau municipal, et le maire a clairement exposé les faits en disant, voilà, c'est une obligation légale, et puisqu'on nous entend, c'est bien aussi que les citoyens de Bagnolet sachent que c'est une obligation de la part d'un maire adjoint de tenir un bureau de vote, et il a tout simplement dit à chacun de faire cet effort-là. Donc l'espace de discussion, il a eu lieu déjà, ce n'est pas une sanction, c'est une application de la loi. Ensuite, après, à titre personnel, je ne comptais pas intervenir sur cette délibération, parce que je m'étais déjà exprimé au BM, mais tu m'y obliges un petit peu. Je suis à 100% pour, et vraiment, j'adhère à 100% aux propos que j'ai pu entendre de Mme Desbordes-Silly. Ça fait des années que je vois des commissions avec peu d'élus. Ça fait plusieurs années que je vois des bureaux municipaux parfois pratiquement vides. Et tout ça, c'est un peu caché à la population. Et je suis ravi, pour la première fois, et dans une grande unanimité apparemment, que ça soit rendu public. Allons jusqu'au bout de ton idée. Et je pense, et c'est un peu dommage, que tout d'un coup, il y aura beaucoup plus de monde en commission, un peu plus de monde en bureau municipal, peut-être un peu plus de monde en conseil municipal, peut-être des élus qui seront présents du début à la fin, parce qu'allons aussi jusqu'au bout de la logique de Mme Desbordes-Silly, et qui prennent leur dossier et qui travaillent. Parce que c'est ça ce qu'on demande à un élu, c'est ça que demandent les bagnoletaises et les bagnoletais. Pour compléter, Madame Chaillère n'est pas démissionnaire, le tribunal n'a pas jugé en ce sens, donc je pense qu'on s'en félicite tous. Simplement, ce qu'a dit Cédric est très juste, c'est qu'à un moment donné, nous sommes des élus indemnisés, on rend des comptes à la population. Madame Desbordes. Oui, pour revenir à la question des lames, puisqu'elle est posée en tant que telle, bon, c'est un peu différent. Je pense que là, Caline, on parlait de suspendre des indemnités. Là, c'était son mandat qui était en jeu. Donc je pense qu'effectivement, je rejoins Jean-Claude, le signalement au TA, dans un contexte qui est quand même un contexte totalement inédit. On ne pensait pas, on savait qu'il y avait des élections européennes le 9 juin, on ne pensait pas qu'il y aurait des élections le 30 et le 7 juillet. Bon. Et bon, beaucoup d'élus ont fait des efforts autour de la table, c'est ça aussi, en fait, l'exemplarité. Un peu d'indulgence, parce que là, elle aurait pu perdre, le CA aurait pu tout à fait statuer. C'est tout simplement la loi, et sincèrement, il y a plein de cas personnels, je peux vous assurer, Madame Desbordes-Silly, qu'il y a beaucoup d'élus, et même parmi votre groupe, hein, qui ont fait des efforts colossaux. On est d'accord. Bon. Deuxième élément, je reviens à des choses plus prosaïques, pardonnez-moi. Sur les justificatifs d'absence, il y en a un certain nombre, mais je pense que vous pourriez rajouter les justificatifs en cas d'enfants malades, d'hospitalisation. Moi, j'ai pas pu, je crois qu'il y a un conseil que je n'ai pas pu venir parce que mes enfants étaient hospitalisés. Je pense que c'est quand même... Il y a tout un tas de trucs très bien dans les justificatifs d'absence, mais je pense que vous pourriez aussi rajouter le justificatif pour enfants malades. Bon, merci. Oui, merci. J'ai fait une intervention peut-être un peu floue. Je vais préciser les choses concernant Elan. Effectivement, moi, je suis complètement d'accord sur le fait que la loi, elle s'applique à tout le monde, c'est une obligation, etc. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'elle a produit des justifications. D'ailleurs, des justifications tellement réel que le tribunal administratif lui a donné raison. Donc voilà, elle est salariée dans une entreprise qui est la RATP, où il y a des dispositions particulières qui sont prises pour les Jeux Olympiques. Donc elle n'est pas complètement libre de son temps de congé. Elle a déclaré ses congés des mois à l'avance. Elle est mère d'une famille nombreuse. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font qu'elle est dans une situation qui est peut-être pas la même que tous les autres et qui est fait que le tribunal administratif ne l'a pas sanctionnée. Ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que, de toute façon, dans ce genre d'histoire, la loi prévoit une graduation. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne fait pas quelque chose, il y a la possibilité de lui donner un avertissement et, si la situation se reproduit, de demander la sanction, de demander la démission d'office. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu d'avertissement. On demande directement la démission d'office. Voilà, je voudrais dire, ce n'est pas une démarche anodine, ce n'est pas une démarche neutre. Voilà, c'est pas simplement... C'est même un peu... On est un peu dans l'excès de procédure. Enfin, toutes les villes, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là au bureau de vote, bon, ça peut se produire, et je pense que ça se produit partout. Il ne s'agit pas de généraliser les choses, mais toutes les villes ne passent pas leur temps à déférer leurs élus au tribunal administratif. C'est pas une démarche automatique. C'est vraiment... le sens du signalement, c'est une demande de démission. Moi, je trouve ça un peu violent et un peu déplacé entre nous. Bah, écoute, Jean-Claude, on ne va pas faire le débat ici. Simplement, si Mme Chaillère nous avait transmis l'ensemble des... à l'administratif, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin de faire de signalement. Parce que nous, en guise d'excuse, on a eu des billets d'avion biffés avec la biffée de la destination. C'est la seule chose qu'on a eue. En revanche, si le conseil municipal en est d'accord, je propose de retenir la proposition d'un Desbordes-Silly et de porter le temps de présence obligatoire à 75%. Voilà. Donc, par le biais d'amendements. Merci beaucoup. Donc, je propose cet amendement de porter à 75%. Valérie Bille. Je voulais juste rajouter pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans des situations particulières. Alors moi, je suis tout à fait pour, hein, les retenues, du salaire, pas de souci. Mais par exemple, moi, je suis intermittente, donc j'ai des employeurs multiples dans, tout le temps, toute l'année, c'est jamais les mêmes. Et moi, personne ne sait que je suis élue. C'est-à-dire que si je dis je suis élue et j'ai des mandats, ils ne vont pas m'embaucher, en fait. Parce que parfois, on a des démontages de décors qui se font le jour même après le tournage. Ça peut être dans la foulée, parce qu'ils n'ont pas assez de sous pour payer la journée supplémentaire de location du décor. Donc, les journées peuvent être très longues. Bon, alors, moi, voilà, je ferai toujours comme j'ai fait, ou mieux. Mais ça, c'est aussi une réalité. Donc, on n'est pas nombreux comme intermittents ici. Vous avez bien de la chance de pouvoir prendre les heures que vous pouvez prendre. Moi, c'est difficile. Manon Chrétien. Est-ce qu'on peut préciser peut-être dans la note plus précisément le type de réunions qui sont concernées? J'ai compris qu'il y avait les conseils municipaux, bureaux municipaux et commissions. Non, toutes les commissions toutes obligatoires commissions. Créées, donc par exemple, bourse des locaux quand elle a lieu, commission de subvention aux associations, etc. etc. C'est listé dans la délibération, dans le règlement. Merci. Édouard de Noël. Oui, il me semble qu'il y avait un deuxième amendement qui avait été proposé, celui relatif aux enfants, donc il faudrait l'intégrer aussi, du coup. Voilà. Donc, deux amendements, enfants malades et 75%. Ça n'est qu'à moi, je le porterai à 100%, mais on va se contenter de 75%. Donc, qui est Mamadou. Excusez-moi du retard, hein, excusez-moi d'avoir une vie professionnelle pour ceux qui travaillent. Je comprends pas. Je viens de prendre au cours la question, je comprends pas du tout en fait. On dirait qu'on est payé des millions ici. Les indemnités sont publiques. Tout le monde sait combien on touche. Pour les conseils municipaux, c'est 500 euros ou 550 à peu près. Pour les maires adjoints, c'est 1100 euros. Je pense que c'est pas des masses. Pour tous ceux qui travaillent, je pense qu'ils touchent un peu, ils gagnent un peu plus que ça. Et ceux qui sont investis, en tout cas, pour ma part, qu'ils ont beaucoup de réunions, beaucoup d'autres choses à l'extérieur, que ce soit des réunions de préparation. Moi, je suis notamment aussi à Est Ensemble. C'est beaucoup d'investissement. Et je pense pas que quand on est élu, c'est pour gagner de l'argent. On n'est pas des députés. On n'a pas 6 000 euros d'indemnité, 9 000 euros ils utilisent ça pour quoi déjà ? De frais, de déplacement ou je ne sais autres. Donc, franchement, cette note, je la trouve, excusez-moi, mais vraiment pas intéressante du tout, parce que vraiment, on est en train de faire des débats sur des 500 euros, des 1 000 euros, sur des commissions. Après, je suis d'accord que sur toutes les questions qui concernent l'élu de secteur qui soit présent, je trouve que ça, c'est normal. Si on a une délégation, on s'en tient. Et après, on fait en sorte que ce soit possible. Moi, j'essaie de m'arranger le plus possible quand une question me concerne. Donc, je pense que tout le monde fait la même chose ici. Donc, franchement, je trouve que cette note, elle n'a pas lieu d'être et ce n'est pas intéressant du tout. Solène Le Bouris. Oui, bah alors en fait, si on se réfère au seuil de pauvreté en France, vos indemnités, c'est quand même assez conséquent. Moi, je connais pas mal de gens qui vivent avec le minimum social et c'est juste une histoire d'éthique, en fait. J'ai pour preuve, une fois, on avait proposé un vœu concernant le plan d'urgence sur les écoles en Seine-Saint-Denis. Pendant ma lecture, en fait, beaucoup partaient. Il s'est passé à une voix près pour que ce vœu ne passe pas en préfecture. Donc j'avoue que je n'ai pas compris, puisque moi-même, je ne suis pas indemnisée. Moi-même, j'ai aussi un travail, je pense comme beaucoup de gens, en fait. Hein. On peut être aussi payé au SMIC, parce que pour certains, si on fait une comparaison avec le SMIC. Donc non, en fait, je trouve que cette proposition est très importante, parce que c'est vraiment une question d'éthique et d'exemplarité. Et en ce moment, la politique est vraiment en crise. Et on le voit ces derniers temps. Et si nous-mêmes, on n'est pas exemplaires, ça va être de pire en pire. Donc non, moi en tout cas, j'approuve à 100%. Et moi aussi, si ça tenait qu'à moi, je serais à 100% de présence. juste, je vais rectifier juste une seconde. Hein. Pour un élu, un conseiller municipal, c'est même pas le RSA, en fait. Donc, ça n'a rien à voir avec le seuil de pauvreté, c'est 550 euros. Quelqu'un qui gagne le RSA gagne 600 euros. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je vous informe. Oui, alors, je pense qu'on va quand même clore rapidement comme cette délibération, parce qu'il y en a plein d'autres, et qu'en fait, moralité, on passe plus de temps à délibérer sur un règlement intérieur propre aux élus plutôt que de parler de la ville. Bon, ça, c'est un sentiment très personnel. Ensuite, je suis d'accord avec toi, évitons de faire des comparaisons de salaires, parce que beaucoup de personnes, notamment dans une ville populaire, aimeraient bien gagner 1 000 euros net ou 500 euros net. Et je rappelle aussi, c'est important, parce que les mots sont importants, ce n'est pas un travail, c'est une fonction. Voilà. Ça veut donc dire aussi que si on faisait une vraie comparaison, mais c'est pas ça. C'est qu'un travail, il y a un horaire à respecter, il y a les 35 heures à faire, il y a des congés qu'on accumule. Ce n'est pas un travail, c'est une fonction. Et je pense qu'il faut peut-être lire cela à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, et je vais reprendre mon exemple, comme ça je parlais comme mon nom, il y a des élus qui travaillent, des élus qui travaillent beaucoup. Et puis, en deux mandats, et ce n'est pas propre à Bagnolet, c'est propre à beaucoup de villes, parce que cette fonction le permet, on peut se permettre de ne jamais venir en mairie. Et on le sait tous les deux. Bon, ben je pense que cette délibération permet plutôt d'aller tirer un peu l'oreille à ceux qui prennent 500 euros ou 1 000 euros facilement, sans produire de travail, parce que, je vais le dire de façon très personnelle, et ça va rester dans les mœurs parce que je vais un peu choquer, ça commence à m'emmerder. Donc, sincèrement, et je sais que je suis enregistré quand je dis ça, je n'ai pas honte de dire que c'est une délibération très forte, que j'appuie à 100%, je suis totalement d'accord avec monsieur le maire, tirons l'oreille à ceux qui sont absents et à ceux qui ne travaillent pas et qui ne sont pas à la hauteur de leur fonction. Caline, et ensuite. Moi, j'ai entendu ce que tu disais, Valérie, et c'est tout à fait valable, et j'entends aussi tes oppositions, Titi, mais c'est justement pour ça que je trouve que c'est très bien fait, parce que de 0 à 20% d'absence, il n'y a aucune conséquence. Donc, nous accorder quand même 20% de possibilité d'absence dans des commissions qui sont obligatoires, c'est quand même, elle n'est pas si dure que ça, la mesure. Et c'est parfait, parce que l'idée, ce n'est pas de coincer les uns ou les autres, c'est juste que certains se mettent peut-être un peu plus au travail et que ce soit un peu plus juste. Le niveau d'implication des élus. Bon, je propose de passer au voix avec l'amendement enfant malade et l'amendement 75%. Qui est pour cet amendement ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Et qui est pour la délibération avec l'amendement ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante : convention de mise à disposition de services entre l'établissement public territorialiste ensemble et la commune de Bagnolet pour les exercices 21 à 23. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante : convention de mandat de maîtrise d'ouvrage et de financement Bagnolet-Montreuil, rue des Rigondes. Il s'agit de fixer le partenariat avec Montreuil concernant la réfection de la rue des Rigondes, dont le montant total est fixé autour de 531 000 euros TTC. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Monsieur Vionnet. Oui, juste brièvement, parce que nous voterons cette délibération, puisque la rue des Rigondes a grand besoin d'être réaménagée. Juste, par contre, un petit regret, et ça vaut d'ailleurs pour d'autres délibérations à ce Conseil, et on a déjà eu l'occasion d'en parler, le Conseil n'est pas qu'une chambre de validation de délibération obligatoire. Il peut aussi être l'occasion de présentation de projets, puisque là, par exemple, c'est des travaux 2024, donc le projet est bien connu. Je trouve que ça serait intéressant que puisse être annexé à minima aux délibérations le projet. On va vous les annexer à l'issue du Conseil, on va les transmettre par mail, le détail du projet. Merci. S'il y a d'autres remarques ? Edith Félix. Merci, monsieur le maire. Oui, en effet, donc, il s'agit d'une rue limitrophe avec Montreuil. Donc, la ville de Montreuil a été sollicitée pour une intervention commune sur la rue. et les coûts sont partagés entre Montreuil et Bagnolet. Donc l'une des deux villes doit être porteuse et avancer la trésorerie. Alors vu les capacités financières respectives des deux villes, on aurait pu attendre que ce soit la ville de Montreuil, et c'est la ville de Bagnolet, dont je salue la détermination, pour aboutir à cette réfaction très attendue des riverains, parce que la rue est très dégradée depuis de nombreuses années. Alors il faut en profiter pour réaménager cette voie qui est très large. C'est une voie d'entrée dans le quartier du Plateau qui donne accès aux entreprises de la zone d'activité de Montreuil et de Bagnolet. Donc il y a des passages de poids lourds. Il y a une circulation dans les deux sens avec des croisements qui sont difficiles. Bon, les trottoirs de Montreuil ont récemment été plantés suite à la saison 2 du plan Arbre et aucune intervention n'est prévue sur les trottoirs de Montreuil. Mais les trottoirs de Bagnolet donc, feront l'objet de travaux de reprise dont le montant n'est pas compris dans la présente convention. Alors, je pense qu'il serait plus efficace de concevoir un projet de transformation de la rue dès cette première phase de travaux qui comprennent les trottoirs du côté de Bagnolet, qui sont très larges. Il faudrait les végétaliser et tracer une piste cyclable. Voilà. Je pense qu'il est important de discuter le projet, de le présenter aux riverains et au comité vélo mobilité douce. Ben là, on va déjà engager le travail. Ensuite, Sandro va transmettre les éléments aux conseillers municipaux et en informer les riverains. Hein ? Si, il y a un peu de riverains, Sandro. Il y a un peu de... On a prévu un plan de communication. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante. Décision d'externalisation temporaire des missions d'instruction des autorisations d'urbanisme. Cédric. Oui, merci Monsieur le maire. Donc la compétence pour délivrer des autorisations d'urbanisme est communale. Cette mission est attribuée à la DDT, donc la Direction du Développement Territorial, Droit des Sols. Deux agents composent ce service. Ces deux agents, après une longue et belle carrière au sein de notre collectivité, ont décidé de suivre un autre chemin. Et j'en profite parce que je sais que beaucoup d'agents écoutent le conseil municipal en replay. Je tiens à les saluer chaleureusement et à les remercier pour leur professionnalisme et leur neutralité. Malheureusement, ces deux départs sont simultanés et donc nous sommes en train de les remplacer, bien évidemment, grâce à Sandro. Et pendant un court temps, que nous espérons évidemment le plus court possible, nous devrons faire appel à un service extérieur pour tout simplement instruire les dossiers. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Monsieur Stalens. Oui, il y a quand même quelques questions qui se posent par rapport à cette délibération, par rapport à ce sujet. Déjà pour commencer, l'hostilité qu'on peut tous avoir par rapport aux délégations de services publics, on sait que c'est des choses que l'on devrait gérer en interne, c'est des dossiers très délicats. Ce sont des sujets qui sont éminemment importants pour notre commune, notre ville, qui sont liés aux taxes d'aménagement et des rentrées d'argent conséquentes. Voilà, donc la question se pose de savoir comment le service va fonctionner. À savoir que même si on prend une série de délégations extérieures, les dossiers sont copieux, les sujets sont importants. Il va y avoir donc une période de latence, appelons ça comme ça, entre le moment où on est en capacité de répondre aux citoyens, normalement, puisqu'il n'y a pas que des grosses promotions qui déposent des permis, il y a des citoyens qui déposent des permis pour des extensions, des surélévations, des Vélux, des garages, une tonne de choses. Est-ce que ça va handicaper ce type de demande ? Est-ce que les délais vont servir de réponse ? On va être sur soi par les délais sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de dossiers. Et mon interrogation se porte essentiellement sur pourquoi ce départ groupé ? Pourquoi tout le monde est d'un seul coup, après autant d'années de service, d'implication pour cette ville, de compréhension de l'engagement du service public, de ce qu'était le service public, pourquoi d'un seul coup, d'un seul, on a ces départs en cascade ? Ils sont justifiés comment ? En sachant que la fiche de poste qui a été éditée sur le site de la ville concernant les trois remplacements et non pas les deux qui sont à prévoir au niveau de l'urbanisme, l'enregistrement était, on pouvait en tout cas se porter candidat jusqu'au 29 juin. Il est sûr que si on clôture les... On aurait peut-être pu s'y prendre un tout petit peu avant. Ouais. C'est des interrogations qu'elle allait peut-être pouvoir répondre. Bon. Je vais répondre tout simplement. D'abord, ils sont deux. Je suis désolé, je ne vais pas vous inventer une personne. Donc, appeler ça une cascade, quand il s'agit de deux agents, on est un peu dans le paroxysme, si vous souhaitez mon avis. Après, j'ai lu votre tribune. Et je pense que vous faites aussi référence à votre tribune politique. Et donc, je vous invite, si vous le souhaitez, dès demain, à aller les voir. Et vous verrez que, tout simplement, ce sont des choix de carrière. Un des deux agents a connu M. Vionnet comme directeur général des services techniques à l'époque. Vous comprendrez que ça remonte comme à beaucoup d'années. Ce n'est pas que je veux nous vieillir, M. Vionnet et moi-même. Mais ça fait quand même un certain temps. Et qu'elle a décidé, cette personne-là, d'aller travailler à Est Ensemble. On est loin de la révolution. Mais venez demain matin, vous serez bien accueillis entre nous, et ils m'écoutent, hein. Ils vous recevront. Parce qu'ils n'ont pas tellement apprécié la tribune. Voilà pour répondre à cette question. Maintenant, effectivement, vous avez raison sur un point. Il faut que ça soit le plus court possible, parce qu'il y a une continuité du service public à avoir. Et effectivement, donc nous sommes en cours de recrutement. Et pour vous rassurer, M. Vionnel sait bien, instruire un dossier, c'est déjà, dans un premier temps, savoir si le permis ou la demande préalable qui a été déposée suit en fait le PLUI. Donc on est plus dans le réglementaire que dans l'aspect politique des choses. Donc effectivement, vous avez raison, ça doit être traité en interne et on va essayer que ce soit le plus court possible. Et en attendant, parce qu'il faut surtout traiter ces dossiers-là, nous aurons recours, et j'en suis désolé, mais je suis sous le fait accompli, comme tous les élus ici, à devoir recourir à un service extérieur le plus court possible. Et les recrutements sont en cours, bien avancés. Jean-Claude Oliva et Pierre Vionnet. Oui, je trouve que c'est une situation très regrettable. C'est un service qui travaillait bien et beaucoup à Bagnolet, et encore récemment participait activement aux travaux de modification du PLUI à Est Ensemble. Et donc, je voudrais moi aussi remercier sincèrement les agents pour le travail accompli depuis des années. Le recours à une entreprise extérieure pour une mission qui est au cœur du service public communal est vraiment problématique, sans compter les incidences financières. Juste, attends, les deux agents dont on parle, excuse-moi, mais je suis un peu tatillon, mais on est élu, hein. C'est le droit des sols, et la personne qui s'occupe du PLUI, notamment à Est Ensemble avec moi, quand on s'y déplace, comme c'était la semaine dernière, c'est un autre service. Voilà. Donc Monsieur tu ne dois pas parler des mêmes personnes, je pense. Monsieur Vionnet. Oui, bon, quand même une situation un peu consternante. Alors vous essayez de la minimiser en disant ces deux personnes, mais vous savez mieux que moi que dans le même service, il y a d'autres départs, par exemple au foncier, donc c'est pas vrai que c'est juste deux personnes, je connais encore un peu les agents de cette ville, l'urbanisme, c'est quand même, par les lois de décentralisation, une compétence très importante du niveau communal, donc tout ça, quand même, révèle un problème de gestion globale. Alors bon, je pense qu'on est tous ce soir très préoccupés par le contexte politique national avec une extrême droite aux portes du pouvoir. Et donc, on n'a pas envie ce soir d'un conseil municipal polémique. Donc, je fais preuve de beaucoup de retenue. Mais je constate quand même que c'est pas une situation si banale, d'autant plus qu'on sait que par ailleurs il y a des services où il y a effectivement beaucoup de gens qui sont partis aussi. Donc tout ça quand même dénote pas d'une gestion municipale qui va bien. Je pense que vous avez des informations erronées, donc on ne va pas polémiquer ce soir, Monsieur Vionnet, mais je pense que des agents qui font 12 ou 13 ans dans une collectivité, vous savez mieux que moi que la durée moyenne d'un cadre dans une collectivité territoriale, c'est 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans. Tous les cadres qui s'en vont et dont on a eu l'occasion de saluer le travail sont là depuis beaucoup plus longtemps. Alors effectivement, ça arrive au même temps, c'est regrettable, mais il y a des gens qui sont là depuis 10 ou 12 ans, puisqu'il y en a la responsable du foncier qui s'en va a eu l'occasion de travailler sous votre responsabilité, une des instructrices également. Mais voilà, la durée, il ne faut pas mentir aux gens, la durée moyenne d'un cadre dans une collectivité locale, c'est 3-4 ans. Voilà. Mais si vous voulez mon avis profond, je peux partager votre inquiétude, et c'est pour ça qu'on fait recours le plus court possible à ce service d'externalisation. Et je suis très attaché à ce service-là, je suis très attaché aux personnes qui la composent, et je suis très triste que ces personnes partent. Si ça ne tenait qu'à moi, apparemment on partagerait le même avis, je souhaiterais les garder. Mais chacun est libre de son destin, et sincèrement, au bout de 15 ans de bons et loyaux services, quand on souhaite partir, on ne peut pas retenir les gens. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Cela dit, oui. On ne va pas redébattre de ça, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en débattre dans des conseils municipaux antérieurs. Effectivement, dans ce service, et je suis bien placé pour le savoir, il y a des agents qui étaient là depuis longtemps. Mais il y a par ailleurs, dans les équipes de direction, un phénomène de turnover dont on a déjà souvent parlé et qui est souvent beaucoup plus rapide que 3-4 ans. Mais bon, on ne va pas épiloguer trop longtemps sur le sujet. On est convergent. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je propose de passer au voix qui est pour cette délibération, qui est contre, qui s'abstient. Elle est approuvée délibération suivante convention de projet urbain partenarial, EFAGE 4757 République. Cédric. Oui, donc une délibération rédigée par les services, hein, comme quoi ils sont quand même évidemment très importants. Donc le précédent permis de construire n'a pas pu aboutir pour ce projet-là en raison des accès pompiers liés à la spécificité de la résidence aux personnes âgées. J'ai démarré un peu vite, il s'agit en fait du projet FH qui est donc au 4757 Avenue de la République, terrain détenu par l'EPFIF. FH a décidé de changer sa programmation tout simplement pour respecter les accès pompiers, parce qu'avec une résidence étudiante au lieu d'une résidence pour personnes âgées, les conditions de sécurité sont moins draconiennes. Et en même temps, on profite pour légèrement dédensifier le programme. Cela a un impact direct sur la valorisation du PUP, qui a pour objectif, par ailleurs, pour rappel, de créer deux nouvelles voies douces. Ça aussi, ça nous tenait à cœur. Un axe nord-sud, un axe est-ouest, pour notamment servir la future infrastructure scolaire qui aura lieu dans le quartier. Donc j'ai plutôt une bonne nouvelle pour les recettes de la ville, et je sais une bonne nouvelle pour M. Salins qui me regarde sérieusement, puisqu'à l'époque vous vouliez qu'on négocie davantage avec le promoteur, si j'ai bonne mémoire, pour rehausser ce PUP. Eh bien, tout compte fait, sans le vouloir vraiment, on vous a écouté. Et donc aujourd'hui on passe de 300 000 à 500 000 euros de PUP. Et je me permets de compléter, c'est que je rappelle que pour l'opération dont on a parlé souvent sur le site PIF le chien avec Human Immobilier. Vous vous rappelez, on avait délibéré avec un système de retour à meilleure fortune sur la dépollution. On avait inscrit une somme de 300 000 euros supplémentaires par rapport à ce qu'on avait délibéré ici. On aura une somme de 342 000 euros. Donc voilà. Donc, lorsqu'il s'agit de faire rentrer l'argent, on fait rentrer l'argent. S'il y a des observations. Oui, sur la mécanique de PUP, donc pour ceux qui nous regardent, qui est effectivement un mécanique qui permet à une commune ou à une intercommunalité de faire participer à des projets d'aménagement, une opération de promotion qui en tire aussi une utilisation pour ses propres besoins. Nous sommes évidemment favorables, puisque j'ai eu l'occasion dans le passé de dire à plusieurs reprises qu'à mon sens, on n'utilisait pas assez cette mécanique. Donc là, on ne peut qu'être favorable à l'utiliser. Bon, après, c'est un projet dont on a déjà parlé, qui pose quand même un certain nombre de questions. Pour avoir revu les riverains il y a environ une semaine, il y a toujours un mécontentement certain des riverains vis-à-vis de ce projet, alors même que les riverains, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ne se sont jamais opposés à un projet de construction ou un projet de logement. Ils ne sont pas dans une posture « on ne veut rien à côté de chez nous » et ils reconnaissent qu'il est légitime qu'il y ait une opération de construction à cet endroit-là, mais ils ne sont toujours pas satisfaits de la manière dont ils sont associés. Et puis moi, à titre plus personnel, c'est vrai que je trouve, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais du coup je le redis là, qu'il y a au moins deux points regrettables dans ce projet. D'une part, l'axe piéton nord-sud, qui est d'ailleurs prévu depuis assez longtemps dans des documents d'urbanisme de Bagnolet, donc ça, j'y suis tout à fait favorable, évidemment. En revanche, je trouve que le fait que dans sa partie d'entrée, il soit confondu avec les accès parking de l'immeuble, alors je conçois bien que ça facilite la vie du promoteur, mais on sait bien qu'une allée piétonne qui commence par des accès parking avec le risque de voiture qui s'éternise, ce n'est pas très satisfaisant. Et puis, deuxièmement, il y avait, on en a déjà parlé, sur cette parcelle, sur ce secteur globalement très minéral, très pollué, un arbre. Et je pense qu'il eût été souhaitable de chercher la conservation de cet arbre, malheureusement bien seul sur cette parcelle. Donc voilà, donc nous, on s'abstiendra sur cette délibération. Éric. Oui, alors effectivement, vous avez vu les riverains il y a une semaine, parce qu'il y avait, j'imagine, cette délibération à l'ordre du jour. Je n'ai pas eu le même réflexe par manque de temps, pour être honnête. En fait, quand on rentre dans le détail du dossier, si effectivement, parce que votre marque, on l'a tous eu, en fait, de pourquoi cette entrée parking sur une voie douce, pourquoi elle n'est pas complètement voie douce. On a été plusieurs à relever ce détail-là. Ça ne nous a pas échappé, M. Vionnet. Donc, il y a une raison, en fait, à cela. Et en fait, la raison, elle est simple. La raison, c'est qu'on a voulu conserver un arbre qui est sur la départementale, sur la voie publique. Donc, le promoteur n'a pas d'autre choix, parce qu'on lui a demandé de ne pas toucher à l'arbre, de mettre cette entrée de parking sur une toute petite partie, hein, parce qu'il ne faut pas non plus faire peur aux gens. Ça doit être les 10 premiers mètres de la voie douce. Et je pense que c'est une bonne raison. Et notamment parce qu'effectivement, on l'a toujours dit, on sera obligé, le promoteur sera obligé, parce que ce n'est pas la mairie, de déraciner l'autre arbre qui est un peu plié, et qui n'est pas un arbre remarquable pour le coup. D'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante. Cession des parcelles AD71 à AD72, avenue de la République, Cédric. Où il n'y a pas d'arbre. Donc, c'est la suite technique de la délibération qu'on vient de citer, donc qui permet de finaliser l'opération avenue de la République et de créer les fameuses voies douces, mais cette fois-ci, on parle de celle qui est d'est-ouest, donc réservée aux piétons et aux vélos, et il n'y a pas d'entrée parking à cet endroit-là. Suggérés, comme vous l'avez dit, par l'étude LOSRAL, qui permettront donc aux futurs parents d'accéder en toute sécurité au nouveau groupe scolaire. Des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Projet partenarial d'aménagement de préfiguration de la porte de Bagnolet, Gallieni. Projet important. Et on avance. Cédric Pape. Alors, je vais prendre un tout petit peu plus de temps parce que c'est un sujet beaucoup plus politique que technique. Donc, effectivement, nous allons maintenant parler du projet certainement le plus important d'un point de vue écologique de l'Est parisien pour les 20 prochaines années. Et je pense même que c'est le plus important. La requalification urbaine de la porte de Bagnolet, c'est un énorme projet qui se construit d'année en année. Et notre persévérance, à nous les élus, parce que on ne nous a pas toujours cru, et est en train de payer, et notamment de Monsieur le maire. Pour rappel, pour se rendre compte du travail effectué, je vais vous résumer quelques étapes, et le travail effectué aussi par les services, dont vous parliez tout à l'heure, et dont vous saluez avec moi le professionnalisme. Donc, ça remonte à 2017. Je vais être rapide. Une coopération s'est faite entre l'EPTS Ensemble, la ville de Paris et la commune de Bagnolet. Puis en 2020, une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la ville de Paris et l'EPT Est Ensemble a été conclue pour la réalisation d'une étude urbaine en vue de la mise en place, qui consiste à la réalisation d'une étude urbaine sur le devenir de ce secteur. L'objectif de l'étude était d'élaborer un plan guide opérationnel à horizon de 15 à 20 ans portant sur la transformation de cette porte. Des études de trafic, de pollution, de bruit, de santé, on l'a alimenté cette étude urbaine. Et d'ailleurs, il y a eu deux balades urbaines, une à Paris, où il y avait Angeline Desbordsilly, d'ailleurs. Merci beaucoup d'être venu. Et puis une sur Bagnolet, où on a vu aussi Madame Rioux, qui était là, Et ça fait plaisir de voir Madame Rioux présente parce que elle amène aussi tout son savoir, toute sa mémoire sur de tels projets. À la demande du préfet de région, trois scénarios contrastés ont été approfondis et ont fait l'objet d'une analyse multicritère. Donc, pour rappel, une porte pratiquement pas ensevelie, à moitié ensevelie et totalement ensevelie. L'urgence sanitaire apparaissant comme prioritaire à moyen terme par l'État, les partenaires ont soutenu le scénario le plus ambitieux consistant à l'émergence d'un nouveau quartier dans la ville grâce à l'enfouissement total de l'échangeur et à la création d'un parc, je tiens aussi à le souligner, en pleine terre de 1,25 hectare. C'est donc un nouveau quartier qui sortirait de terre. La ville de Paris, le PTS Ensemble et la commune de Bagnolet ont sollicité la métropole du Grand Paris en 2023 afin de l'associer à cette réflexion. Le conseil métropolitain a pris en considération le périmètre de l'opération d'aménagement Porte de Ganigny-Bagnolet, ce qui a permis de désigner la métropole comme maître d'ouvrage des études techniques d'approfondissement avant une éventuelle déclaration d'une opération d'intérêt métropolitain. Ce travail, maintenant, va prendre entre 18 et 24 mois. Au regard de l'ampleur des enjeux, de la complexité du projet, je pense que là, Jocelyne Rioux serait d'accord avec moi, et des études à mener, il a été décidé conjointement entre tous les partenaires et l'État de mettre en place un contrat de PPA, donc de projet partenarial d'aménagement, pour préfigurer cette porte Bagnolet-Ganigny. C'est donc une excellente nouvelle que nous vous annonçons ce soir, pour nous, pour nos enfants et pour une ville qui sera complètement transformée dans les 15 à 20 prochaines années, parce que je vous parle très concrètement d'ensevelir l'échangeur porte de Ganigny, porte de Bagnolet, avec une partie de la 3 et une partie du périphérique, c'est-à-dire qu'il n'existera plus cette cicatrice qui sépare Bagnolet Sud de Bagnolet Nord et nous pourrons aller en circulation douce de Bagnolet à Paris. C'est donc un projet ambitieux et accessoirement, parce que je trouve ça accessoire, mais ça fait du bien aux finances de la ville, tous les partenaires sont parties prenantes financièrement, sauf la ville de Bagnolet. Vous conviendrez que c'est une bonne négociation. Voilà ce que nous vous proposons aujourd'hui, cette signature de PPA. Je ne serai pas taquin, je l'ai déjà dit à d'autres conseils municipaux, certains ont rigolé de cette initiative, à leur dépens. Aujourd'hui, nous entrons dans le concret. Un jour, nous pourrons, à pied, à vélo, se déplacer du sud de Bagnolet au nord de Bagnolet, de Bagnolet à Paris, et nous n'aurons plus cette cicatrice, cette balafre en plein milieu de Bagnolet. Merci Cédric Desromains. Jean-Claude. Oui, le groupe écolo-solidaire citoyens et radicaux partage bien sûr les grands objectifs du projet partenarial d'aménagement de la porte de Bagnolet-Ganigny. Premier objectif, la lutte contre les nuisances, pollution de l'air, pollution sonore, dont les conséquences sanitaires sont majeures pour les populations de Bagnolet, de Paris et de Montreuil. Autre objectif, la végétalisation ou encore le renforcement du lien Paris-Banlieue. Il est très positif que les études programmées introduisent des scénarios d'évolution des trafics routiers et autoroutiers. Le 14 juin dernier a été inaugurée une voie réservée aux bus sur la 3 entre Bagnolet, Montreuil et Romainville. On voit que dans le domaine des mobilités, des évolutions sont en cours et sont rapides. Nous mettons la priorité sur l'apaisement de l'autoroute et du périphérique et leur transformation en boulevard urbain. Ce n'est pas pour dans 20 ans ou dans 30 ans, c'est tout de suite et c'est déjà commencé. Il convient de préciser à cet égard qu'aucun scénario n'est pour le moment décidé ou fléché, comme le précisait notre collègue Gaylord Lechecker, premier adjoint de Montreuil, délégué à la ville résiliente, à l'urbanisme, aux espaces publics, aux grands travaux de transport, lors du dernier conseil de territoire d'Est Ensemble le 25 juin. Si le groupe écolo-solidaire, citoyens et radicaux est en accord avec le projet partenarial d'aménagement, cela ne vaut pas approbation de l'enfouissement. C'est précisément ce que l'on retrouve dans le document du projet partenarial d'aménagement. Je vous lis, les études sont également calibrées pour permettre une première approche de faisabilité du scénario de devenir de l'échangeur qui viseront à confirmer ou infirmer l'hypothèse d'enfouissement proposée lors du comité de pilotage de janvier 2023 et, le cas échéant, proposer une solution alternative qui respecte l'exigence en matière de santé environnementale. Au regard de cette exigence, les études exploreront des scénarios d'évolution des trafics routiers et autoroutiers. Anne de Rugy. Oui, merci Monsieur le maire. Je voudrais intervenir au nom du groupe Bagnolet en commun, les écologistes, donc sur cette délibération dont elle a déjà été dit plusieurs éléments. En effet, c'est une très bonne nouvelle que le projet avance, compte tenu des nuisances que je ne rappellerai pas, mais nuisances très importantes de cet échangeur autoroutier qui nous est imposé en cœur de ville. Plusieurs choses sur cette délibération, plusieurs éléments importants. La première chose, c'est que c'est désormais un projet métropolitain, c'est ce qu'on souhaitait, c'est ce que j'ai porté aussi à la métropole du Grand Paris lors du Conseil métropolitain d'octobre 2023. La métropole est aujourd'hui maître d'ouvrage. Elle pourrait devenir à terme, comme ça a été dit, l'opération Porte de Bagnolet Gagnelny pourrait devenir une opération d'intérêt métropolitain. Pourquoi c'est important? C'est important parce que cet élément, cet échangeur dépasse complètement évidemment la ville de Bagnolet et Paris 20e. C'est quelque chose qui historiquement nous a été imposé et qui malheureusement par les nuisances concerne évidemment directement les Bagnoletais et les Parisiens du 20e arrondissement. Donc c'est important d'en faire un pôle de rénovation qui concerne l'ensemble de la métropole et qui concerne les déplacements de toute la métropole et non pas un projet qui serait uniquement d'Est Ensemble ou des deux villes, Paris et Bagnolet. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a dans cette délibération, et je pense qu'aujourd'hui, on a des objectifs partagés. Ces objectifs, ce sont aussi ceux du SCOT métropolitain qu'on a beaucoup porté, nous, le groupe écologiste, qui sont évidemment la réduction de la pollution de l'air, la réduction des nuisances sonores, la réduction de l'espace autoroutier qui est là gigantesque et omniprésent, le regain de pleine terre, la renaturation, la débitumation qui va avec, l'embellissement, la pacification, mais aussi l'exigence de retrouver des liens entre les communes, de pacifier cet espace et de faciliter les déplacements, surtout les déplacements doux qui sont particulièrement martyrisés, je pense aux piétons et aux cyclistes. Donc il y a un objectif de réparer la ville vis-à-vis du tout automobile qui l'a blessé, je dirais, lorsqu'il a été construit et jusqu'à aujourd'hui. Donc nous approuvons bien évidemment la mise en place d'un projet partenarial d'aménagement qui va permettre une gouvernance partagée avec l'État, avec la métropole, avec l'EPT Est Ensemble, avec l'ANRU, avec l'établissement public de foncier d'Île-de-France et évidemment avec les villes de Paris et de Bagnolet. Et c'est aujourd'hui ce projet partenarial d'aménagement qui permet de mettre en œuvre de nombreuses études. Donc, je ne vais pas toutes les détailler, mais elles sont importantes. Et en effet, ce qui est important, c'est toutes les études techniques, mais c'est aussi la mise à jour des études sanitaires et des études de trafic, parce que l'objectif, c'est quand même que dans ce cœur de ville, on ait une réduction du trafic autoroutier. Nous considérons aussi comme une avancée la possibilité inscrite dans cette délibération d'un scénario alternatif au scénario du tout enfouissement. En effet, le scénario du tout enfouissement n'est pas une solution miracle. On le sait déjà aujourd'hui. Pourquoi ce n'est pas une solution miracle? Parce que c'est un scénario très lourd techniquement. On le voit bien, hein, c'est ce qui est dans la délibération, hein, il faut chercher à ce que ce soit techniquement opérationnel. On voit les dénivelés qui sont là. On voit aussi le futur prolongement de la ligne 3 du métro. Donc il faut évidemment tenir compte de ces éléments. Il ne faudrait pas que l'aménagement empêche ce prolongement qui nous semble très important pour la vie à Bagnolet, puisque ce prolongement est remis à l'ordre du jour. Il y a un coût financier aussi très important, c'est pour ça qu'il y a toute cette sous ces collaborations. Il y a un coût environnemental aussi, parce que là, c'est un gros ouvrage en béton. Donc, il faut mesurer tous ces coûts et ensuite construire un projet qui sera sans doute amené à évoluer et qui permette, évidemment, de pacifier, de retrouver de la pleine terre et surtout de réduire la pollution sur toute la zone et de ne pas faire de pic de pollution à certains endroits. Donc, ce qui nous semble intéressant, c'est que ce projet alternatif devrait avoir la même exigence sanitaire et environnementale, donc la même exigence de réduction de pollution. Enfin, j'en termine avec le fait que nous souhaitons, et c'est déjà le cas, que la municipalité de Bagnolet anticipe évidemment ce projet qui est sur 20 ou 30 ans même, avec un démantèlement progressif des bretelles qui sont très peu utilisées ou de la voirie très peu utilisée, un réaménagement de la voirie, éventuellement des cheminements piétons déjà facilités, parce que là c'est quand même compliqué, pas forcément attendre 20 ans pour les faciliter, et enfin évidemment avec Paris la possibilité de déjà pacifier le périphérique et de le transformer en boulevard urbain. Merci. Oui, alors je ne vais pas redire des choses qui ont déjà été dites. Ce qui tient surtout à cœur de notre groupe, c'est qu'il se passe quelque chose à des échéances pas trop éloignées sur ce site. Parce qu'effectivement, la situation est intolérable d'un point de vue de pollution, d'un point de vue de coupure urbaine, d'un point de vue... tout simplement d'absence d'aménités urbaines les plus élémentaires. Et donc, je pense qu'effectivement, la question fondamentale, c'est qu'effectivement, il doit, parce que c'est un sujet très complexe, il doit y avoir effectivement des mécaniques de grands projets, et ce projet partenarial d'aménagement y répond, mais il doit aussi y avoir, comme l'a dit d'ailleurs tout à l'heure Jean-Claude, par exemple, sur la pacification à relativement court terme du périphérique, de l'autoroute A3, et des actions sans doute plus locales de désimperméabilisation, il doit y avoir des actes concrets. C'est d'ailleurs pourquoi, moi je n'ai pas le sentiment d'avoir changé d'avis, c'est d'ailleurs pourquoi nous avons effectivement beaucoup alerté au début des études qui avaient été lancées, parce qu'on voyait des petites images qui pouvaient sembler très jolies, mais qui n'étaient pas fondées sur des travaux techniques très sérieux, alors même que sur ce site, il y a des études techniques importantes. Par exemple, j'entendais évoquer les interventions sur les bretelles. Il y a des études techniques qui ont été menées, si mes souvenirs sont bons, il y a environ 15 ans, par l'atelier parisien d'urbanisme, sur les possibilités de couper un certain nombre de bretelles. Donc, il y a des choses pragmatiques qui sont faisables. Là, nous allons voter cette délibération dans la continuité de la précédente, puisqu'il y a déjà eu une délibération, je ne me souviens plus de la date précise, mais il y a quelques mois, sur le recours à des études confiées à la Société publique de la métropole du Grand Paris. Et je pense qu'effectivement, et je rejoins ce qui a pu être dit sur les différents scénarios, moi, ayant pas accès à des études récentes, je n'ai pas d'a priori sur la solution technique la plus pertinente. Mais par contre, je pense que tous les scénarios doivent être regardés sérieusement, parce que le but, c'est pas de se faire plaisir sur un projet à 30 ans irréalisable, mais c'est d'avoir des choses qui puissent changer le quotidien des Bagnoletais et des Parisiens sur ce secteur-là. Donc en ça, nous considérons comme très positif que la métropole du Grand Paris se saisisse du sujet, très positif que l'ensemble des partenaires, parce que de toute façon, pour que ça avance, et on sait que, par exemple, sur les questions d'enfouissement, l'État a des réticences certaines. Donc, pour que les choses avancent, il faut que tous les partenaires sont autour de la table. Je pense aussi que cette opération a vocation à être une opération d'intérêt métropolitain, parce qu'elle pose des enjeux qui dépassent largement Est Ensemble, Bagnolet et Paris 20e. Donc, nous voterons sans hésitation cette délibération. Dans la suite du vote favorable de la délibération précédente, puisqu'à partir du moment où on enclenche la mécanique des études sérieuses et des scénarios, ça va dans le bon sens et nous le votons sans hésitation. Cédric. Bon, alors je sais qu'on est dans une période de concorde. Mais je ne pourrais pas m'empêcher d'être taquin. Je pense que je serai toujours taquin quand on parlera de cette requalification de la porte de Bagnolet s'agissant de vous et de votre tract d'Ubique. Parce que moi, je veux bien vous croire sur parole quand vous dites que vous allez voter sans hésitation. Mais puisque c'est enregistré, puisqu'on nous entend, vous pourriez avoir l'honnêteté, parce que vous êtes un homme honnête, de rappeler qu'il y a moins d'un an, vous avez sorti un tract que vous avez distribué sur les marchés de Bagnolet et devant la mairie de Bagnolet, devant les conseils de quartier de Bagnolet, où c'était marqué noir sur blanc avec votre signature, que tout ça n'était que des balivernes. Alors je vous admets que ce n'est pas le mot exact, parce que j'ai pas la mémoire. En fumage ou quelque chose comme ça. Mais puisque vous êtes honnête, je peux vous demander quel était le mot exact que vous avez utilisé à ce moment. Je ne me souviens pas du mot exact, mais je pense avoir redit, et moi à l'instant, mais ce n'est pas une question de taquin, je crois avoir redit, je maintiens que les images qui sont sorties à un moment et ce tract, tout ce dont on est en train de délibérer est postérieur à ce tract. Les images dont on a vu produit sont des images qui n'étaient pas sérieuses. Et c'est d'ailleurs, ce n'est pas, si vous me laissez juste finir, je ne vous ai pas interrompu. Je vous autorise, et c'est pas. Cela dit, j'avais la parole. Même. Et ce n'est pas une affirmation. Vous m'avez posé une question, si je ne m'abuse. Mais là, vous faites une déclaration. Et ce n'est pas une appréciation d'un élu dans le cadre d'un débat en conseil municipal, y compris comme un petit peu de relation avec les gens qui travaillent sur ces questions techniques. Tout le monde m'a dit que. Joliment, un des acteurs du projet m'a dit les images qui étaient sorties relevaient de la bande dessinée. Donc, je redis ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on enclenche désormais des études techniques sérieuses et qu'effectivement le portage de l'ensemble des partenaires se met en place autour de la table, ça nous convient très bien. Eh bien, écoutez, je suis content que vous ayez changé d'avis. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, je vais vous mettre sur une strate intelligente. On peut jouer trois heures à dire vous avez changé d'avis et non, etc. Mais bien sûr. Mais ce n'est pas très prolifique. Mais je sais, vous avez peut-être une mauvaise estime de moi-même. Mais ce n'est pas très grave. Moi, en tout cas, je me souviens que vous avez distribué ce tract et ça m'avait beaucoup meurtri à ce moment-là quand vous aviez dit que le travail des services, parce que ça revient à cela, et le travail qu'avait engagé M. le maire depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis 2019, parce que ça ne tombe pas du ciel. Il y a toute une vision politique derrière tout cela. Et donc, quand on se lance en début de mandat pour dire, Monsieur le maire, le premier à s'engager pour dire qu'il va pacifier la ville, qu'il va ensevelir partiellement ou totalement, et les études trancheront là-dessus, nous sommes bien d'accord, cet échangeur pour redonner du bien-être aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais, je pense qu'on ne s'arrête pas à une simple image. Je pense que là, à ce moment-là, vous avez voulu faire de la politique. Vous avez peut-être certainement cru que nous allions nous tromper. Le destin politique, en fait, nous donne raison. Aujourd'hui, nous sommes suivis par, effectivement, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, Gaylord Le Shaker, par Patrice Bessac, par le maire du 20e, par le préfet de région, par maintenant la métropole du Grand Paris. Et je salue l'action de Anne de Rugy pour défendre ce dossier auprès de la métropole. Donc oui, à un moment, et je suis content que vous ayez changé d'avis, mais vous étiez contre. Oui, un mot pour conclure. La métropole du Grand Paris ne s'est pas saisie toute seule, en fait. La métropole du Grand Paris ne se saisit pas seule d'un tel dossier. La métropole du Grand Paris a été saisie du dossier par mes soins, avec Patrice Bessac et Emmanuel Grégoire, premier adjoint maire de Paris. Et c'est justement parce qu'il y a une action concertée des collectivités qu'on a pu faire prendre conscience à la métropole du Grand Paris que c'était un projet d'intérêt métropolitain. Et je vous invite à regarder les délibérations de la métropole du Grand Paris. Vous verrez combien il y a de projets de cette nature. Donc, on ne va pas polémiquer inutilement. Je me souviens parfaitement de ce que vous avez écrit dans votre tract. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous n'êtes pas les seuls. Certains au sein de la majorité nous ont aussi ricané au nez en nous disant « Mais de toute façon, vous brassez de l'air. » Je ne vais pas parler d'enfumage, mais vous brassez de l'air et ça n'avancera jamais. Aujourd'hui, on avance. C'est un travail de longue haleine. Et moi, je ne suis pas technicien. Et donc, on a des études. C'est assez ouvert et ça permettra à un moment donné de continuer à avancer en concertation de manière intelligente avec toutes les collectivités. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Cédric Pape, rétrocession de la rue Blanqui par effage aménagement, modification de l'emprise cédée. Alors, très rapidement, parce que c'est une note extrêmement technique, c'est pour finaliser le projet d'aménagement rue Blanqui porté par, effectivement, Eiffage. Il s'agit d'une rétrocession à la ville, à l'euro symbolique, de parcelles d'Eiffage à la ville, et de les classer dans le domaine public communal. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Mise en œuvre de la stratégie d'optimisation foncière, délibération actant la cession du bien communal situé au 913 Colombier au profit de la société SAS Colombier Grain d'Orge, correspondant au groupement de sociétés Mobius Conception, Olinest et Sequoia. Cédric. Oui, pour rappel, une stratégie foncière sur le patrimoine communal a été bâtie et présentée aux élus en 2016, donc l'ancien mandat. Nous avons avancé tout simplement sur le dossier en fléchant ce domaine communal qui est rue Marie-Anne Colombier, j'imagine que tout le monde connaît. Nous avons suivi la procédure qui était expliquée dans la stratégie foncière. Donc en quelques mots, parce que c'est important dans un cadre de transparence de rappeler quelles sont ces étapes-là. Donc il y a eu la valorisation du domaine à hauteur de 857 000 euros. C'est une somme à retenir parce qu'à la fin, vous verrez que nous avons négocié à la hausse cette valorisation des domaines pour essayer de maximiser les recettes de la ville. Puis après, il y a une publicité, ce qui est tout à fait logique pour que tout le monde puisse répondre à cette vente. Ensuite, l'information donc a été faite, le domaine a répondu, le cahier des charges a été établi, les diagnostics ont été réalisés, les acquéreurs potentiels ont pu visiter le bien, une date butoir de remise des offres a été faite, l'analyse des offres a été faite aussi lors d'une commission où certains élus ont siégé, et à l'unanimité, c'est ce dossier qui a été retenu. Voilà. Et donc, oui, excusez-moi, monsieur le maire, parce que je le disais, donc le domaine valorisait le terrain à 857 000 euros. Nous avons décidé de mettre un prix plancher à 950 000 euros, donc 95 000 euros de plus, pour suivre les recommandations, je pense, de l'ensemble des élus qui est là pour essayer que quand on vend un domaine communal, on essaie de le vendre à son maximum de potentiel. Des remarques, des observations, monsieur Salens? Oui, non, très rapidement, une première remarque, nous ne vendons plus de terrain, maintenant faisons de la mise en œuvre de la stratégie d'optimisation foncière. J'en suis ravi. En tout cas, c'est une formulation que je juge, juste souligner. Monsieur Stalens, on ne va pas polémiquer. Mais je ne polémique pas, c'est juste en aparté. Stratégie d'optimisation foncière, on a délibéré en 2017, vous êtes bien placé pour le savoir. C'est depuis 2017 qu'on en fait, croyez-moi. Voilà, donc nous allons nous abstenir sur cette délibération, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, à savoir la 16 et la 17, à savoir en attente d'informations sur la nature de la construction, sur le projet déposé et proposé, sur les conséquences que ça pourrait avoir sur la rue, avant de vous prêter notre voix dans ce genre de situation. Donc abstention, tout simplement. Alors moi, je n'ai pas compris, mais par contre, au-delà du fait que vous allez vous abstenir, ce que j'ai bien compris, quelle est votre question ? Non, il n'y a pas de question. On s'abstient comme pour les délibérations 16 et 17, dans l'attente d'informations complémentaires sur la nature de la construction proposée par l'acquéreur dont vous nous parlez ce soir. C'est tout. Okay. C'est dans la note quand même sur le volume. Le volume. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Édouard de Noël. Alors, un élément qui m'est venu après le bureau municipal, qui n'est pas fondamental, mais que je voulais exprimer, en fait, sur la façade de ce bâtiment, il y a à minima 5 ou 6 peintures de graffeurs extrêmement connus, reconnus mondialement, etc. Et je trouve qu'il y aurait un intérêt à suggérer à la société qui rachète les murs de faire appel à des sociétés qui, en gros, figent ces peintures, les extraient et peuvent ensuite, d'une manière ou d'une autre, en faire l'exposition, la mise au domaine public, pourquoi pas pourquoi pas les garder en ville. En tout cas, il y a un vrai intérêt patrimonial sur la façade. C'est une suggestion, si ce n'est pas fait, ce n'est pas un drame. Mais il y aurait un intérêt, en tout cas, à leur suggérer cela patrimonialement, ça a un intérêt. Alors, oui, effectivement, si mes souvenirs sont bons, dans le cahier des charges, il y a quelques graphes qui doivent être maintenus. Voilà. Et après, bah, effectivement, puisqu'il y en a sur les deux rues, si mes souvenirs sont bons, sur la seconde rue, je pense que c'est pas forcément... parce que c'est le mur, en fait, en l'occurrence. Maintenant, si, je peux toujours demander ça au promoteur et le négocier dans la finalité. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Cession d'une emprise de 16 mètres carrés par la société Avim au profit de la ville de Bagnolet afin de l'intégrer au domaine public de voirie. Donc c'est l'opération Avim. Avim, autour de des anciens tontons zingueurs. C'est ça. On aura l'occasion, avec cette opération-là, d'avoir une rue Sadi Carnot avec un nouveau commerce et un nouveau bâti. Et on peut espérer le même succès qu'on a pu voir avec un des commerces juste à côté. Bon sens, pour ne pas le citer. Mais c'est l'occasion, justement, de refaire vivre cette rue Sadi Carnot. Donc maintenant, on est plutôt de l'autre côté de la rue, donc on est côté rue Malmaison. C'est aussi l'occasion, c'est ça l'urbanisme, d'essayer de rendre la rue homogène au niveau des trottoirs. Donc il y a un réalignement, c'est une note très technique, pour permettre tout simplement de dégager de l'espace pour avoir des trottoirs de qualité. Des remarques, Monsieur Lyonnais ? Oui, sur le petit ajustement qui permet de réaligner la rue Malmaison, évidemment. Pas de sujet, pas de remarque. Par contre, juste, c'est un peu la même remarque que tout à l'heure sur les Rigondes ou celle que formulait mon collègue Sébastien Stellens à l'instant. Ça serait intéressant qu'on ait les éléments de projet, d'autant plus quand même sur cette parcelle que côté rue Sadi Carnot, on a un immeuble qui est certes, qui s'est beaucoup dégradé. Il y a d'ailleurs, si je ne m'abuse, un arbre qui pousse dedans. Mais par contre, ça appartient à des éléments qui sont quand même s'ils sont très mal entretenus, qui sont des éléments patrimoniaux de notre ville, puisque ces bâtiments sont des bâtiments qui sont liés au passé agricole de Bagnolet, puisqu'on avait des fermes rue Sadi Carnot. D'ailleurs, il y a dans un certain nombre de parcelles, dont celle-là, des belles cours pavées, etc. Donc c'est un patrimoine dégradé, mais qui est quand même très identitaire du centre-ville de Bagnolet, donc qui mérite d'être traité avec soin. J'ai lu dans la note que le bâtiment devait être surélevé, c'est-à-dire du coup modifié un peu significativement. Donc voilà, je pense que ça mériterait quand même qu'on ait connaissance du projet comme d'autres. C'est un projet qu'on a présenté il y a maintenant plusieurs mois au conseil de quartier centre-ville, donc on peut vous communiquer comme pour la rue des Rigondes les éléments qui ont été présentés en conseil de quartier, notamment le PowerPoint, si ma mémoire est bonne, on va vous retrouver tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Pas d'autres observations, je propose de passer au voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. CRAC 2023, CPA à nous. Cédric. Bon, j'arrive à la fin de mon marathon. Donc, on va parler du CRAC 2023 du CPA à nous. CRAC, c'est compte rendu d'action communale, si mes souvenirs sont bons, et L pour local, pour cette dalle. Donc, pour recontextualiser, mais très rapidement, c'est un dossier très complexe qui arrive à sa fin depuis de nombreuses années, voire de nombreuses décennies, puisque la CPA Lanoux remonte à 2003 avec Delta Ville, repris après par Sequano Aménagement. Et aujourd'hui, c'est à cet ensemble qu'on a la compétence. Et il demande notre avis sur le compte rendu, sur le CRAC. Bon, pour faire vite, le bilan a été diminué de 80 000 euros, le bilan équilibré, c'est-à-dire dépenses-recettes. Il s'élève aujourd'hui à 45 346 490 euros hors taxes, soit un bilan en diminution par rapport à 2022 de 84 729 euros hors taxes. Ça s'explique notamment par le changement de propriétaire, c'est-à-dire que Sequano n'est plus propriétaire, mais c'est bien la ville de Bagnolet. Donc ils ont pu enlever du bilan certains travaux qu'ils jugeaient potentiels et qui ne sont plus à l'ordre du jour dans l'ordre du bilan, puisqu'il y a changement de propriétaire. Ça, c'est pour le bilan. Maintenant, dans les actions qui ont été réalisées sur 2023, parce que c'est ça le but du compte-rendu, on pourra, comme vous lisez la note, en tirer quelques éléments synthétiques. La vente d'entrepôts, notamment pour la hauteur de 700 000 euros et 360 000 euros. La vente en attente de Body One pour une hauteur de 600 000 euros. Pour rappel, si nous arrivons à vendre à 600 000 euros, l'opération sera totalement équilibrée. Reste après la propriété de la ville de Bagnolet, 145 places de parking qui seront utilisées et que nous souhaitons garder pour le moment parce que vous êtes au courant que dans le cadre du NPNRU, nous sommes en train de requalifier toute la dalle de l'ANU. Et comme il y a des agencements à réaliser, on va se servir de certaines places de parking en surface pour tout simplement mieux aménager. Et puis, parfois, proposer à ceux qui ont des parkings une préemption pour leur redonner à côté des parkings au moins 2 ou au moins 3. Nous sommes toujours propriétaires de certains locaux d'activité et évidemment, je pense que vous serez sensible à l'avenir de la recyclerie de l'ANU, qui est aujourd'hui, je le rappelle, occupant sans droit ni titre, ce qui pose un problème quand c'est le maire qui est responsable au point de vue de la loi. Et je crois qu'il y a prochainement un rendez-vous avec la recyclerie pour aborder de nouveau ce sujet-là. Et enfin, donc, le fameux endroit Body One que nous cessions de vendre, et j'oubliais, parce que c'est important, même si on n'en parle pas tous les jours, la supérette Baïa, qui est un élément essentiel pour tous ceux qui habitent l'ANU, parce que c'est un des rares points où on peut acheter en moyen marché. Donc, nous l'avons rencontré dernièrement, et nous lui avons proposé une solution pour rester sur place, le plus longtemps possible, le temps des travaux, afin que les occupants, les riverains, les habitants de l'ANU ne soient pas pénalisés par les futurs travaux. Je crois que j'ai à peu près tout dit, mais j'ai peut-être oublié des choses. Merci Cédric. Des remarques, des observations ? Monsieur Vionnet ? Oui, alors, bon, d'une part, une remarque un peu générale, vous l'avez évoqué vous-même. Nous, on demeure très préoccupés par la situation de la recyclerie de l'ANU, puisque c'est un équipement extrêmement important qui s'est développé dans le quartier et on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle qui voit cet équipement fermé. Sur l'objet direct de la délibération, donc ce compte-rendu annuel à la collectivité, alors je crois, si mes souvenirs sont bons, que ça fait 2 ans que vous nous dites que c'est le dernier, puisqu'effectivement c'est une opération au long cours et que normalement elle doit être clôturée. Donc effectivement, ce qui manque pour la clôturer, c'est essentiellement la vente de Body One. Donc je voulais vous poser la question, parce que là j'ai lu attentivement le texte, mais... il ne répondait pas nécessairement à mes questions précises, c'est où vous en êtes, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois, où vous en êtes exactement avec Sequano de la vente de Body One. Et puis j'avais une autre question qui est un peu un étonnement, parce qu'on a eu naguère des échanges sur la mise à disposition d'un très vaste local dans des conditions favorables à la soi-disant maison de l'écologie populaire. Et là, au détour de la lecture du document de Sequano, je découvre que, et nous avons découvert, que cette maison de l'écologie populaire a demandé une exonération des derniers loyers. Et donc, ça veut dire, si je lis bien derrière les mots, qu'il y a le cadeau pour plus de 10 000 euros des derniers loyers. Donc voilà, comme sur la vente Body One, je souhaitais avoir quelques explications sur ce sujet. Écoutez, à ma connaissance, Sequano n'a pas accordé de ristourne, comme vous le dites. Et sur Body One, il y a un bien qui est sous promesse de vente depuis décembre pour un projet d'accueil de femmes. Situation difficile, et donc ça nécessite dépôt d'un PC, ça nécessite délibération de la copropriété. Voilà. Donc le processus de vente se poursuit. Ils sont sous promesse avec Sequano depuis décembre dernier. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Cédric, pardon. Parce que là, en fait, on fait le compte-rendu assez technique avec les ventes. On se focalise toujours un peu sur les mêmes sujets, c'est-à-dire Body One et la recyclerie. Hein. On tourne un peu en rond là-dessus. Mais, et pour changer un peu de sujet, parce que je peux vous assurer que les habitants de Lannou, malgré ce que vous dites que la recyclerie est hyper importante, je veux bien le croire. Et on doit les voir, il y a beaucoup de changements de gouvernance. Oui. Je dois les voir prochainement. En fait, quand M. le maire et moi, nous les rencontrons, les habitants de Lannou, comme c'était le cas mardi, parce que nous étions dans le quartier de Lannou en balade urbaine, je peux vous assurer d'une chose. Ils ne nous ont pas du tout parlé de Body One, ils ne nous ont pas du tout parlé de la recyclerie. Par contre, pendant 2 heures de balade, et c'est assez prégnant, ils nous ont parlé des ordures ménagères, des encombrants. Et je peux vous dire que quand on fait une balade urbaine avec ses représentants, des habitants sur site, c'est une honte. Donc pour eux, le vrai sujet, notamment que ce soit la rénovation urbaine, donc le cadre de ma délégation avec le NPNRU, et ce qu'on peut requalifier, c'est-à-dire le bilan du compte-rendu de l'action communale locale sur la partie de Lannou, ce qui est important à leurs yeux, c'est les conventions qu'on peut signer avec eux sur les ordures ménagères et sur les encombrants. C'est moins sexy que la recyclerie, je vous l'accorde, mais je peux vous dire qu'on a signé, donc Monsieur le maire a signé mardi soir avec l'ensemble des représentants des habitants de Lannou une convention pour la gestion des encombrants. C'est une énorme avancée qui a été très saluée par les représentants. C'est la première fois qu'ils se mettent tous d'accord parce qu'ils ont des charges astronomiques et c'est très difficile pour eux. Il y a une solution hybride qui a été où la ville apporte et eux apportent aussi. Et on a un plan sur plusieurs années pour construire 3 locaux encombrants sur la dalle de Lannou. C'est une avancée extraordinaire. Ça n'apparaît pas là dans le compte-rendu parce qu'on parle de 2022, mais j'en profite pour faire passer le message sur 2024. Excuse-moi, je me suis trompé d'année. Et ça méritait d'être dit au conseil municipal. Et maintenant, on travaille sur un deuxième dossier. Et je souhaite le faire aboutir comme les locaux encombrants. C'est les ordures ménagères. Parce que là aussi, avec la voie 110 en dessous, c'est très complexe. Et on essaye effectivement de trouver la meilleure des solutions avec eux. Parce que leur avenir, pour eux, c'est la gestion au quotidien des ordures ménagères, des encombrants. Et sincèrement, pas vraiment de la recyclerie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Monsieur Bionnet ? Si je peux me permettre, juste sur ce point, je n'avais pas évoqué les problèmes globaux, parce qu'on était effectivement sur une délibération portant sur le compte-rendu annuel à la collectivité de l'aménageur. Mais effectivement, on sait bien, vous l'avez évoqué de vous-même, la difficulté persistante. Je dis persistante parce que c'est vrai que le montage initial d'il y a une quinzaine d'années, qui était une division, ce qui était d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, une première nationale, une scission de copropriété en volume, visait justement à sortir les copropriétaires de leur extrême difficulté, c'est-à-dire en permettant effectivement de distinguer les différentes copropriétés, que ça ne soit plus une giga copropriété, que les entrepôts et les parkings qui ont une vie quotidienne assez différente des copropriétés de logement soient des copropriétés spécifiques et que la ville reprenne la dalle et l'entretienne comme un espace public. Et c'est vrai que là, je formule pas de critique, mais je constate que effectivement, on a des difficultés persistantes sur la gestion des encombrants, malgré ces bases qui doivent quand même soulager la charge des copropriétés et améliorer la gestion globale. D'autres remarques, Jean? Juste une observation très, très brève. Moi, je trouve curieux d'opposer la recyclerie au problème des encombrants à Lannou. Parce que la recyclerie, même si c'est pas, elle tourne au ralenti ou elle tourne pas du tout en ce moment, mais quand elle tourne, c'est un projet qui est de nature à réduire les encombrants, justement. Et donc, c'est un projet, même si tout le monde n'en est pas conscient, c'est un projet qui est aussi directement utile à la population. Et un coût vraiment qui est très faible pour la population par rapport à la collecte habituelle des déchets et à leur destruction. Tout à fait. Alors, je n'oppose rien. En fait, je faisais un état des lieux. C'est-à-dire que quand on se déplace à une balade urbaine et qu'on saisit la chance de discuter avec les habitants du quartier, je parle bien des habitants du quartier, je ne fais que relater, puisque ça sert à ça un conseil municipal, cette information-là. C'est-à-dire que pendant 2 heures, on a parlé, 2 heures d'ordures ménagères et d'encombrants. Et pas une seule seconde de la recyclerie. C'est en fait, c'est tout. Comme tu n'étais pas là, je me permets de le relater. Après, ça n'empêche pas que je vais rencontrer les responsables de la recyclerie très prochainement. Parce qu'il y a d'autres observations. Donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé, je cède la présidence à Cédric Pape. Alors, délibération 23, approbation du plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs, donc PPGID, et de la convention SIAD, service d'information d'accueil du demandeur. Monsieur Silla. Bonsoir, oui. Donc, comme c'est dit dans la note, il n'y a rien d'important, c'est juste autoriser le maire à signer la convention de PPGID, qui est une convention, en fait, pour que tous les bailleurs, les acteurs du logement, soient à l'échelle de S-Ensemble, soient au même niveau d'information, qu'on puisse donner les mêmes informations aux demandeurs, que ce soit les bailleurs, les mairies, à l'échelle de S-Ensemble, tout simplement. Merci, M. Silla. Y a-t-il des remarques, des questions? Non, je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 24, avenant numéro 2 à la Convention de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain centre-ville couture 2022-2027 entre Est Ensemble, la ville de Bagnolet et l'ANA. Monsieur De Noël. Oui, alors il s'agit d'un avenant qui fait entrer et sortir certaines adresses dans l'OPA et qui n'a pas d'incidence financière pour la collectivité. Merci, monsieur De Noël. Y a-t-il des remarques, des questions? Non. Nous passons donc au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 25. Définition des zones d'accélération des énergies renouvelables. Je passe l'acronyme, il est trop compliqué pour moi, sur la commune de Bagnolet. Monsieur De Noël. Oui, alors le ZAENR, c'est une obligation réglementaire. Comme vous l'avez vu dans la note, c'est un zonage qui permet d'identifier sur le territoire de la commune à quel endroit pourrait être à l'avenir développé des zones de production d'énergie renouvelable. Il s'agit en l'espèce là pour nous d'un certain nombre d'énergies renouvelables. Il s'agit d'abord de biomasse, de solaire photovoltaïque, de récupération de chaleur fatale, et j'en oublie à l'instant, et puis de géothermie de surface. Les perspectives que cela trace, puisque c'est essentiellement une obligation réglementaire, cette facilité d'accélérer l'implantation d'ENR pour répondre aux objectifs français 2030 que vous connaissez. Il y a des marges de progression substantielles pour la collectivité, notamment en lien avec le solaire et la géothermie, d'après les recommandations faites par la préfecture de région. Il y a des évolutions qui pourraient avoir lieu aussi sur le mix de chaleur, sur le mix de production de la chaleur dans le réseau de chaleur urbain. Et enfin, est pointé l'exemplarité nécessaire de la collectivité pour étudier des sites potentiels sur le patrimoine ville pour implanter davantage de production photovoltaïque. Alors, je me suis fait transmettre les chiffres. Là, on est aujourd'hui à 110 MWh par an produits par la collectivité sur deux sites, l'hôtel de ville et l'école Joliot-Curie. Mais à terme, nous pourrions en avoir davantage sur d'autres projets urbains-ville. Enfin, comme vous le savez, les changements réglementaires vont inciter de plus en plus les différents acteurs publics, privés, à intégrer des ENR dans leurs projets de construction et finalement, ce travail, c'est aussi un plan guide. Merci. Merci, Monsieur de Noël. Y a-t-il des questions, des remarques, Monsieur Stalins? Oui, très rapidement, il faut se féliciter de tout ce qui va dans ce sens, en tout cas dans l'évolution positive pour nos communes, de se débarrasser, en fin de compte, de certaines dépendances, en fabriquant nous-mêmes peut-être ces énergies. J'ai juste une question, pour le reste, je pense que le zonage a été fait correctement, je n'ai pas de remarque particulière, si ce n'est une seule, c'est que géothermie, solaire, biomasse, chaleur fatale, mais pourquoi pas d'éolien ? Puisque vous aviez le choix, je crois que les communes étaient libres du choix des orientations prises. On a quand même des hauteurs à Bagnolet, le parc de l'Anneau. Il y a des systèmes aujourd'hui d'éoliennes qui sont très petites, miniaturisées, et qui sont très intéressantes aussi en termes de fabrication et de récupération, en tout cas d'énergie. Alors, tout simplement parce qu'en termes d'emprise d'une part et de volume d'autre part, en termes de capacité de production, il n'est pas apparu pertinent sur un territoire aussi ramassé, vu sa typicité et vu les vents qui soufflent pour venir d'une région de Pointe-Bretagne bien venteuse. On est quand même moins exposé ici et nous ne sommes pas non plus en plaine comme on peut le trouver à 50-60 km de Paris sur des plaines vraiment très plates. Et donc, ce qu'on a identifié, c'est ce qui peut permettre de produire substantiellement de l'énergie renouvelable. Je vous remercie, Madame Félix. Pour l'éolien, il n'y a pas que des grandes structures immondes et atroces qui défigurent le paysage qui existent. Aujourd'hui, il y a des structures qui sont tout à fait adaptées au milieu urbain. Je pense que la configuration justement de notre ville, la mettant par moment très en hauteur et très exposée justement donc au vent, aurait pu être une solution, ou en tout cas une voie qu'on aurait dû peut-être aussi explorer, ou de ne pas laisser de côté. Mais voilà, avançons dans ce sens-là. C'est déjà une très belle avancée. Je pense qu'on peut déjà saluer, comme vous l'avez fait dans votre préambule, cette avancée sur la ville de Bagnolet. Madame Félix. Oui, rapidement, merci. Donc c'est une évolution très souhaitable. Je pense qu'il faut aussi que ce plan soit évolutif, notamment sur les évolutions de trames vertes et bleues qui vont avoir lieu, j'imagine, dans le PLUI, dans les prochaines années, et donc qu'il ne faut pas opposer, au développement de différentes installations qui permettent la production d'énergie. Je vous remercie, Madame Félix. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Je vous remercie à l'unanimité. Alors, prolongation du partenariat entre la ville et l'Agence locale de l'énergie climat à l'ALEC-MVE, Édouard de Noël. Oui, alors l'ALEC, l'Agence locale énergie climat MVE, c'est la première ALEC de France. Agence Climat, elle a été créée en 99 par les villes de Montreuil et Vincennes, c'est pour ça qu'elle portait initialement le nom de MVE qui a été transformé ensuite en Maîtriser votre énergie. Il y a une trentaine de collectivités partenaires, dont notre commune, et qu'est-ce que c'est ? Cette agence est un outil d'ingénierie territoriale au service du climat auquel nous adhérons. Elle a, cette agence, une mission de sensibilisation, mais aussi une mission de soutien technique. Elle dispose notamment d'un service d'information et de conseil aux particuliers. Elle permet d'accompagner des projets de rénovation énergétique et d'aider à lutter contre la précarité énergétique. Là, ce qu'on demande de voter ce soir, c'est d'abord une prolongation de cette convention, mais cette prolongation, elle se fait avec une logique au deuxième semestre de repenser l'intervention de l'ALEC MVE à Bagnolet et d'essayer de mieux adapter son intervention sur le territoire. Alors, on a chaque année une centaine de particuliers, notamment, qui la sollicitent, mais on va réduire le nombre d'interventions mensuelles, qui sont d'ailleurs pas toutes remplies, pour essayer de réfléchir en groupe de travail sur un meilleur travail d'information et de sensibilisation de l'agence au niveau du territoire. Donc, des groupes de travail seront mis en place pour y parvenir. Je vous remercie. S'il y a des remarques, des observations, je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Convention Bucco-Nanterre 2023 avec le Conseil départemental Grégoire de la Gannerie. Oui, merci Monsieur le maire. Peut-être faire les trois délibérations, ces trois okay. conventions avec Conseil départemental, ARS. Là aussi, hein, pour féliciter. Oui, oh, la quatrième, je me la réserve, si ça vous va, pour un petit développement. Mais non, mais ce sont trois délibérations hein, qui montrent encore, et on l'a dit depuis le début de ce conseil municipal, la mobilisation de l'administration pour aller chercher les subventions. Et donc, on a tout d'abord sur la partie prévention et prévention bucco-dentaire, notamment auprès des enfants. Donc, il y a 405 élèves de grande section, 512 élèves de CP, des élèves de CE1, de crèche, de PMI, mais également des soins envers les plus âgés avec des soins dans l'EHPAD des quatre saisons qui sont menés grâce à cette subvention du conseil départemental donc pour la prévention bucco-dentaire. Une deuxième subvention donc, pour la santé des femmes et l'équilibre nutritionnel de l'ARS avec une subvention à hauteur de 32 000 euros qui finance notamment les actions en lien avec Octobre Rose, mais également les consultations de la diététicienne qui sont au sein du centre municipal de santé. Et enfin, deux subventions liées à l'investissement, aux différents investissements qui ont été menés au sein du centre municipal dentaire et de santé, avec à la fois l'achat de fauteuils, pour le fauteuil dentaire, et puis également l'achat de l'échographe hein, qui avait coûté 100 000 euros à la ville et la région qui finance cet échographe à hauteur de 50 000 euros. Voilà pour ces trois. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Donc, la délibération 27, convention bucco-dentaire, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération 28, convention avec l'ARS, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? C'est approuvé, je vous remercie. Délibération 29, subvention du Conseil régional pour le fauteuil dentaire et l'échographe. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? C'est approuvé, je vous remercie. Projet de santé, Grégoire de la Gannerie. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, je suis ravi de vous présenter ce projet de santé pour le centre municipal hein, qui est au cœur de la politique municipale de santé de la ville. C'est 9 médecins généralistes dont 5 ont des compétences en gynécologie, 8 spécialistes, des infirmières, des masseurs kinésithérapeutes, des diététiciennes, podologues. Donc on est vraiment sur une offre de soins extrêmement diverse, extrêmement importante pour la ville. Rien que sur les spécialités, ça représente 70% de l'offre de spécialistes à Bagnolet. Donc on comprend l'importance du centre municipal de santé dans cette ville pour l'accès aux soins et pour la lutte contre les inégalités de santé. C'est également un centre de ressources en santé sexuelle et planning familial extrêmement important aujourd'hui et encore plus dans la situation politique dans laquelle nous sommes où ces droits doivent être préservés et vous pourrez bien sûr compter sur la mobilisation de la municipalité pour lutter pour ces droits-là à la santé sexuelle et au planning familial. Par ailleurs, alors que nous fêtons les 50 ans de ce centre, la municipalité présente donc un nouveau projet de centre municipal de santé construit avec les professionnels de santé et les personnels administratifs. Ça a donné lieu à de nombreuses réunions interprofessionnelles et qui ont permis de distinguer 5 axes majeurs pour l'amélioration et pour le développement du centre municipal de santé. Ces axes s'articulent autour de l'amélioration de l'expérience du patient au sein du centre municipal de santé, l'accès aux soins et la prévention, le développement professionnel des personnels de santé administratifs et que le centre de santé soit un centre de formation pour accueillir des internes et poursuivre la très bonne dynamique que nous avons actuellement dans le recrutement des professionnels de santé. Pour assurer le développement du centre municipal de santé, nous avons investi dans l'offre de soins, panoramique dentaire, échographe. Nous avons valorisé les professionnels de santé en transformant les contrats auparavant précaires en contrats à durée indéterminée. Nous entamons également pour diversifier l'offre en spécialité qui est un réel manque sur le territoire de la Seine-Saint-Denis et à Bagnolet en particulier. Nous entamons une collaboration avec le centre hospitalier intercommunal de Montreuil où des partenariats pourront être menés à travers une convention pour permettre justement d'accueillir des nouveaux spécialistes qui seront en consultation avancée, donc qui sont les spécialistes du centre hospitalier intercommunal de Montreuil qui viendraient faire des consultations. En ORL, en cardiologie notamment, sont les deux spécialités que nous avons identifiées en priorité. Le centre municipal de santé s'est également ouvert et c'est extrêmement important. Ça fait partie des objectifs au moment de la campagne, mais également de la municipalité, d'ouvrir le centre municipal de santé à la société civile et également aux autres professionnels de santé. C'est ce qui se passe avec à la fois l'association Handicap Ensemble, qui soutient les familles dans leur démarche pour la reconnaissance et la prise en charge du handicap des enfants qui tiennent des permanences mensuelles au sein du centre municipal de santé. C'est également le cas avec l'accueil de la communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé qui couvre 110 000 habitants et qui est accueillie au sein du centre municipal de santé. Il convient donc de poursuivre ces actions et pour ces 50 ans, on fête aujourd'hui et on fête les 50 ans les 50 ans du centre municipal de santé. Je voudrais rendre hommage donc au docteur Elsa Rustin, précurseuse notamment dans l'accès des femmes à la contraception. Je vous conseille un excellent article du Monde qui lui était consacré où elle donnait les subtilités pour pouvoir détourner les modalités de remboursement de la sécurité sociale pour pouvoir rendre accès justement à la contraception aux femmes. Elle a été visionnaire également. Elle a créé un modèle de prise en charge des patients pour lutter contre les inégalités de santé au cœur de notre ville. Et nous devons la préserver et la développer. Et c'est pour cela que nous présentons maintenant ce projet. Je vous remercie. Observation. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Plan. Vacances. Apprenantes. Donc, il s'agit de la reconduction d'un dispositif qui existe maintenant depuis, 2020, si ma mémoire est bonne. Et il s'agit de fixer la tarification du dispositif. Est-ce que ça appelle des observations? Monsieur Gabin. Merci, monsieur le maire. Je voulais juste rappeler qu'effectivement, ce dispositif permet d'obtenir une subvention afin d'envoyer des enfants de la ville pour le montant de 1 euro par nuitée et par enfant dans des colonies de vacances qui sont labellisées vacances apprenantes. Donc, vous savez que les colos ont un intérêt éducatif important au-delà des activités qui sont proposées et qui ont été sélectionnées par la ville, mais que ce soit dans la socialisation ou l'acquisition de l'autonomie. En particulier, on note que ça bénéficiera à des enfants suivis par le programme de réussite éducative. Qui pourront donc partir en colo cet été. Et je voulais signaler, je pense que ma collègue Mariam se joint à moi pour remercier le travail de la direction de l'enfance et de l'éducation d'avoir pu répondre à l'appel d'offres qui a été lancé cette année pour ce dispositif. Marc, des observations? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, mise à jour du règlement intérieur pour les activités périscolaires. Donc, avec ces deux délibérations 32-33, nous proposons de modifier le dispositif d'inscription et de tarification des activités péri- et extrascolaires. Quelques mots sur la méthode d'abord. Comme nous nous y sommes toujours engagés, le dispositif n'a jamais été figé dans le marbre. Depuis le début, nous avions dit que nous reviendrons dessus. Après une phase d'évaluation, nous l'avons dit, nous le faisons. Au cours de l'année scolaire qui se termine, les échanges avec les représentants élus des parents d'élèves ont été nombreux, parfois tendus, mais toujours constructifs. J'en profite pour saluer leur mobilisation et les remercier pour leur engagement au service du Mieux Grandir à Bagnolet. J'en profite également pour remercier les services de la ville qui y ont travaillé. Ils sont les acteurs essentiels de la communauté éducative. Les modifications que nous vous proposons aujourd'hui d'entériner sont issues du dialogue avec les représentants de parents. Il s'agit principalement de faire passer la surfacturation de 50 à 25%, d'assouplir considérablement les possibilités de justifier les absences et ainsi de ne pas se voir facturer des prestations non consommées. Avec ce nouveau règlement intérieur, il sera possible de justifier toute absence inférieure à 3 jours consécutifs par une simple attestation sur l'honneur. Dans le même temps, nous avons travaillé à la simplification des dispositifs de gestion des réservations. Par e-mail en mairie, sur le site internet, depuis l'application mobile Mon Bagnolet, de nombreux canaux sont ouverts pour effectuer les réservations, les modifier, les annuler et transmettre les justificatifs. Nous travaillons aussi avec les représentants de parents à l'amélioration de l'ergonomie de ces différents canaux de communication. Il ne s'agit pas d'un aboutissement, nous continuerons les échanges avec les représentants de parents pour toujours mieux faire correspondre nos politiques publiques aux attentes de celles et ceux qui en sont les principaux usagers et construire ensemble un service public de meilleure qualité. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Madame Desbordes, c'est... Je dirais simplement ce que j'ai eu l'occasion de dire en commission, c'est très bien, ne touchez plus à rien. Bon, c'est, ça met en exergue les vertus du dialogue. Moi, j'ai discuté avec des... Je n'ai plus d'enfants en élémentaire, mais les parents d'élèves sont globalement très satisfaits de ce nouveau règlement. Donc, très bien. Et puis, bravo d'avoir... Alors, ça a été un peu laborieux. Il y a eu des réunions et des réunions, mais c'est très bien, finalement. Vous y êtes arrivé. Bravo. C'est la constatation. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Tarification des activités périscolaires et extrascolaires, c'est le rapport 33. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, convention de partenariat séjour enfant-adolescent, aide aux vacances enfants AVE. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Convention de subventionnement départemental en fonctionnement au titre de la création de places dans un établissement d'accueil de jeunes enfants. Zora Kelly. Oui, bonsoir à tous. Alors, comme vous savez, début février, nous avons inauguré le projet Gérardo, qui nous tenait tellement à cœur, parce que ça faisait longtemps qu'on travaillait avec le département afin de récupérer la crèche départementale. Comme vous savez, la petite enfance est un secteur en tension, donc nous avons pu récupérer la structure afin de fusionner nos deux structures municipales dans cette crèche. Donc, suite à cet accord, nous avons eu un contrat avec le département, un contrat financier avec le département qui nous aide à la hauteur de 43 140 euros par an jusque 2029. Voilà. Pour l'augmentation des places aussi dans la crèche. Est-ce qu'il y a des remarques et des observations ? Pas de remarques, pas d'observations. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie, Zora. Délibération suivante, convention d'objectifs et de financement, plan d'aide exceptionnel à l'investissement. Alors voilà, c'était pareil, projet Gérardo. Alors on a réussi à avoir des subventions d'abord par le département. Maintenant, on est parti récupérer, je remercie le service de la petite enfance qui a su récupérer des subventions conséquentes par la Caisse des allocations familiales qui nous subventionne de 28 842 euros, soit 60% du montant des travaux pour cette crèche. Voilà, pour ce projet. Des remarques, des observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, convention d'objectifs et de financement tripartite entre la CAF, Crescendo et la ville de Bagnolet pour le versement du bonus territoire CTG. Alors, si monsieur le maire me l'accorde, est-ce que je peux fusionner avec la convention 38 et 39 ? Très bien. Donc 38, c'est avenant aux conventions d'objectifs et de financement pour Nemo et Coccinelle et 39 pour Lénine et Viennot. Alors, comme vous le savez, la Caisse des allocations familiales, on a un bonus suite aux enfants et des dossiers des familles qu'on accueille dans nos structures. Donc, la CAF, suite à cette aide, on ne sait pas pour le moment le montant. La CAF, normalement, reviendra vers nous pour nous fixer les montants de chaque structure. C'est un bonus financier en fonction du coup des situations de chaque famille, de chaque enfant. Donc c'est un moyen d'aider aussi le secteur de la petite enfance pour l'accueil de la diversité et de l'intégration de tous les enfants qu'on a sur notre territoire. Merci. Alors je souhaitais continuer, rajouter un petit mot parce que je pense que c'est ma dernière. Prise de parole avant mon échéance sportive et avant la rentrée. Donc, je souhaitais remercier tous les contribuables et les familles qui nous font confiance, qui nous accordent leur confiance pour qui nous soutiennent. Merci. Merci. Qui font confiance à notre personnel. Je remercie énormément tout le personnel de la petite enfance qui mène de front une lutte et quand même. C'est elles qui sont sur le terrain chaque jour. Donc, je remercie énormément tout le personnel qui est présent, alors que nous savons très bien que le personnel de la petite enfance, je le répète, est un secteur en tension. Je remercie aussi le service de la petite enfance qui permet chaque jour, en tout cas, de permettre un suivi continuel avec tous les membres et les agents de notre ville. Et j'espère que les recrutements arriveront assez rapidement. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Merci. Alors, qui est pour la première délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La suivante, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La suivante encore, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Et pour Ligne Diédon, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Édouard de Noël, charte de l'ATSEM. Alors, la charte de l'ATSEM. Depuis septembre 2023, le travail des ATSEM à Bagnolet, c'est-à-dire des agents techniques des écoles maternelles, a changé, et il a changé d'abord à leur demande. Ces agents techniques concourent à la qualité de l'offre éducative dans notre ville, donc centrée sur les écoles maternelles. Depuis de très longues années, les personnels ATSEM se plaignaient à raison de leurs conditions de travail et à raison parce qu'elles menaient de front trois tâches au sein des écoles. Celle de l'assistance éducative d'une part, celle de l'entretien ménager d'autre part et enfin d'un travail qu'on dit de chauffe en restauration. La réforme de 2023, elle a été menée en co-construction et elle avait pour objectif de diminuer d'abord la pénibilité des tâches que rencontraient les personnels ATSEM et de les recentrer sur leur travail d'assistance éducative. C'est un objectif donc au bénéfice des enfants, un objectif au bénéfice des professionnels dans ce métier très féminisé dans lequel il y avait des difficultés sensibles de recrutement. Mais c'est un objectif qui, finalement, est au bénéfice de l'ensemble de la communauté scolaire. Après une année scolaire qui se termine demain, ce nouveau régime fait naître des bénéfices réels. Les postes offerts sont plus attractifs, les absences liées à la pénibilité se réduisent, et il faut saluer le travail mené par la direction de l'éducation dans la co-construction de cette réforme, de ce nouveau régime, et remercier surtout les personnels ATSEM pour leur implication très, très importante. La charte, là, qui vous est proposée d'adopter, formalise un certain nombre des engagements qui ont été pris, sanctuarise un volet important relatif à la formation et démontre l'approche partenariale qui est souhaitée par la collectivité avec l'éducation nationale. Cette approche partenariale est essentielle. Les bons rapports ville-éducation nationale sont essentiels pour la réussite de nos enfants. Frédéric Gabin et moi-même, nous y employons au quotidien. Et en adoptant cette charte, nous finalisons la transformation du secteur ATSEM de la ville. Nous finalisons cette transformation de l'accueil des enfants de maternelle au bénéfice de l'ensemble de la communauté scolaire. Je vous remercie. Des remarques, des observations ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Convention de mise à disposition individuelle d'agents d'Est Ensemble, en l'occurrence de maître nageur pour Bajoplage. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Convention de mise à disposition par la Métropole du Grand Paris de billets pour les JO 2024. Mona Bellil. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit d'une convention, à l'instar de ce qu'on a pu faire par le passé, avec Est Ensemble, mais Est Ensemble agissait comme centrale d'achat. Ici, la Métropole du Grand Paris a décidé d'offrir à un certain nombre de collectivités de la billetterie, à la fois pour les paras et pour les épreuves olympiques. Donc là, l'idée, c'est de conventionner pour pouvoir accepter et recueillir ces billets. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Concours de danse lors du passage de la flamme olympique. Mona Bellil. Alors, comme vous le savez toutes et tous, le jeudi 25 juillet à Bagnolet, nous allons accueillir le relais de la flamme olympique. Donc, c'est un tronçon qui part de Montreuil et qui vient à Bagnolet jusqu'à l'hôtel de ville. Donc, ça rentre par là, nous, par la rue de l'Épine Prolongée jusqu'à la place Salvador Allende. Et donc, dans le cadre de cet événement, donc, à 11h44, on se donnera tous rendez-vous à l'ANU et on fera tout le parcours, si vous le souhaitez, dans les abords, pour pouvoir accueillir la flamme. En tout cas, la flamme sera sur notre territoire de 11h44 à 12h29. Et donc, avec les services, on vous propose, il y aura un spectacle à la fin, au niveau pas très loin entre Adelaïlae et la place Salvador Allende, où l'équipe de France de breakdance nous fera un joli spectacle de 7 minutes pétantes. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins, avec la torche allumée ou pas, je ne sais pas, mais je pense qu'elle sera allumée. Donc, quoi qu'il en soit. Et à l'issue de ce spectacle, en fait, on propose aux bagnoletés de prolonger ce temps fort avec des battles. Des battles, donc, de freestyle, de danse multiple. Et donc là, l'idée, c'était à la fois de rémunérer les membres du jury qui seront des membres professionnels. Et je remercie Pascal Blaise, qui est le capitaine de l'équipe de France de breakdance qui sera présent et qui est notre partenaire sur cet événement. Et donc, voilà, rémunérer les jurys, surtout rémunérer les athlètes, sur inscription ou non, des personnes qui vont pouvoir danser ce jour-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? On pourra danser le 25 juillet. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? C'est un... Oui, je vous remercie. La séance est levée. Merci.